tout le monde et bienvenue sur Occitanie Comics pour le débat comics saison 3. Alors aujourd'hui, il n'y a pas toute l'équipe bien évidemment, mais il y en a quand même deux qui m'accompagnent. J'ai avec moi Nico aka Sweep. Yo tout le monde. Alors la vraie question, parce que le voilà. Monde veut savoir, Nico, est-ce que tu vas reprendre YouTube? Non. C'est pas, en tout cas, c'est pas du tout dans les objectifs, et c'est pas dans les objectifs même 2022 ou autre. Donc je crois pas. Donc YouTube c'est terminé. Ouais. Pour le moment, oui, en tout cas. Bon ben voilà, ça c'est la première vraie news de cette émission. Et avec nous, j'ai également Dorothy aka Baptiste. Salut à tous. Alors, tu vois, je fais des efforts pour cette saison, je me suis juré de ne pas me tromper. Tu vois, je note. Si tu te trompes une seule fois, je quitte le groupe. Ah ouais, t'es violent. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est... Attends, fais gaffe. Moi, j'ai fait ça une fois pour déconner. Vous avez mis 3 mois, vous en rendez compte. Alors, fais pas pareil. J'ai pas mis 3 mois à s'en rendre compte. Moi, j'avais vu direct. Tout le monde avait écrit, sauf Jeff. T'es en mode. Mais, regarde, personne répond sur le groupe. Vous l'avez vu? Bah non, peut-être qu'il a quitté le groupe il y a 3 mois. Sur une blague sur Berserk, comme d'hab, quoi. Oui, voilà. Donc, du coup, pour cette saison, on va continuer à essayer de faire de l'hebdomadaire, en tout cas si on peut. Peut-être des surprises. Et voilà, pas plus de promesses que ça. Faut pas trop exagérer non plus. Donc voilà. On va suivre les vacances scolaires quand même, parce qu'on va faire comme les vrais journalistes, type Quotidien ou Touche pas à mon poste. On va prendre 3 semaines de vacances en octobre, on va prendre 1 mois de vacances pour Noël, on va prendre 5 mois de vacances pour Halloween, enfin pour Pâques. Donc voilà, on a décidé vraiment de se professionnaliser et devenir des vrais journalistes. Faut s'expliquer ensemble. Tout ça, tout le monde sait que nous sommes surbookés avec nos 10 enfants chacun. Forcément, c'est pas le temps. Oui, et au fait, j'ai posé la question à Sweep, mais je t'ai pas posé la question pour ta chaîne YouTube, ça en est où? Justement, là j'avais pris des vacances aussi, hein, parce que c'est un peu compliqué pour tourner pendant les vacances, et là, la dernière vidéo est tournée, elle est en train d'être montée là, j'ai fait une petite pause pour pouvoir faire le podcast, et elle devrait sortir en théorie, si tout se passe bien, la semaine prochaine. D'accord. Donc, le nouveau sur le manga Mar, comme dit dans la dernière vidéo, et... on aura une nouvelle illustration. Incroyable. Magnifique. Nouvelle bannière de chaîne. Voilà, j'en dis pas plus. Et du coup, avez-vous passé de bonnes vacances avant de commencer l'émission? Toujours. Franchement, il n'y a pas de raison qu'on passe de mauvaises vacances. Ah, par le virus, mais bon, ça, on commence à s'habituer maintenant. Ouais, le virus et le temps, c'était les deux points faibles des vacances. Sinon, ça va. Attends, août, on a crevé de chaud quand même. Ouais, mais encore, c'était les trois dernières semaines d'août, mais sinon, encore du temps de l'été, c'était pas ça, quoi. Ouais, ça m'a allé. Comme ça, t'es un mec d'intérieur, c'est pour ça, Jeff. Oui, voilà. Je suis allergique au soleil. Et puis en Ariège, l'été, c'est jamais beau. Nani? Non, mais de toute façon, en Ariège, déjà, il n'y a rien à faire dehors, donc il n'y a pas besoin de sortir. Je pense qu'il y a plus à faire dehors en Ariège que dans le Garonne. Je pense aussi. Mais sur Toulouse, les gars, déjà, c'est pas la même. Non, mais on parle de randonnée, visite culturelle. Ah, après, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de revendeur de BD. Autre qu'à Toulouse, hein. Pamiers, c'est désert. Foix, je ne sais même pas s'il y a quelque chose à Foix. Je sais des petits trucs, mais voilà, pas spé. Saint-Giron, il y a une librairie, un magasin de jeux de société qui sont sympathiques. Mais sinon, ouais, faut bien chercher, quoi. Ouais, non, mais tu vois... Alors, ah, mais après, si vous voulez parler randonnée, ok, mais est-ce qu'au moins vous en faites des randonnées, les gars? Oui, moi, le week-end dernier, j'ai fait une randonnée à côté du... Merde, comment il s'appelle? Château de Montségur. C'est beau. Voilà. Voilà. Ça, c'est... Est-ce que t'as vu quand j'ai allé, j'ai trouvé le nom? Alors... J'étais investi. Non, mais je vois ça. Bon, alors, du coup, je vous propose de passer quand même au programme de cette émission, parce que ça fait depuis 4 minutes 30 qu'on parle et on n'a toujours pas parlé de ce magnifique programme qui est tout simple. Les tops et flops de cet été 2021. Il y a eu des bons tops et des bons flops. En tout cas, c'est ce que je pense. Et on va peut-être commencer directement par les comics. Allez, petite 10 secondes jingle et puis c'est parti. Du coup, Nico, qu'est-ce que c'est ton top ou tes top comics pour cet été? Je dis plus de comics. Donc ça va être. Est-ce que j'ai fait quelques lectures? Est-ce que j'ai lu un comics ou pas? Non. Je crois pas en avoir lu. Donc pour moi c'est zéro. Eh bien, ça c'est fait. Merci d'être venu, Nico, et à la semaine prochaine. Du coup, Baptiste, t'es top de côté comics. Un petit peu de comics, c'est rare, j'en ai lu. Je me suis refait l'intégralité des Injustice Grand. Dieux sont parmi nous. Que j'avais déjà lu. Et qui est toujours excellent. D'accord, c'est pas d'actualité tout ça. Pas du tout. Voilà, j'ai lu les Grandes Zéros que j'avais jamais lu et je trouvais ça à chier. D'accord. J'ai rien lu. En nouveauté comique, j'ai rien lu. Ok. Ah, parce qu'en plus, attends, pour les tops et flops, il faut faire de l'actualité, je suis dans la merde. Ah non, mais non, mais c'était un bonus, l'actualité, tu vois. C'est pas, d'accord. C'est pas grand-chose. Alors, pour ma part, côté comics, j'ai un vrai top quand même. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je récidive. Les récits complets de chez Urban, ça fait quand même partie d'un de ces top où tu payes 5€ le comics, t'as une histoire complète et tu passes un putain de bon moment de lecture. Donc ça, c'est vraiment un vrai top. Et au printemps dernier, il y a Panini qui a fait à peu près le même principe en dur. Et ça aussi, c'est un vrai top. Donc il y a Urban et Panini du côté de chez moi qui est en top quand même. Panini en top quand même, c'est une nouvelle saison qui s'annonce donc quand même, non? Ben ouais, c'est bon, je reçois des SP donc je les suce. Les vrais journalistes. Panini, c'est grave. Les vrais journalistes. Non, je déconne. Je les ai essayé. Ils m'ont envoyé la checklist pour juillet ou août et je me suis dit bon, je fais quoi? Je tente ou je tente pas? J'ai tenté, ils m'ont même pas répondu. Ah non, mais moi, ça a été ça pendant un an et demi, t'inquiète pas. Hein. Bon, je vais continuer à tenter. C'est le stagiaire qui t'a répondu, et après, les vrais mecs, non, lui, on lui envoyait pas, c'est un con. Peut-être, qui sait. Donc voilà, donc non, pour revenir au récit complet, j'ai pris les sirènes de Gotham et l'histoire avec le pingouin, donc ça c'était du old school, enfin du comics année fin 90, début 2000, peut-être même plus début 2000, et ça c'était quand même très très sympa à lire. Et au niveau de la collection du côté de chez Panini, j'ai pris le Venom, donc c'est le début de la série de Donny Cates que j'avais finalement déjà en français chez Panini, mais bon, je l'en double, c'est pas grave. Et j'ai pris le début des Ultimates. Donc c'est vrai que ça permet pour 5€ se replonger sur des récits un peu historiques et c'est quand même bien sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est des formats cool pour découvrir. Même les collections sont quand même assez sympas. Surtout celles de Panini, je trouve qu'elles sont plus de cachets que celles de Urban. T'as pas le côté fresque, mais le côté dur, multicolore, je trouve ça vraiment sympa. Mais cette année, je les ai pas pris parce que je les avais pris l'année dernière. Et enfin, celles de Urban, je les ai toujours pas lues. Donc, je me suis dit, je vais pas les acheter parce que je sais pas quand je vais les lire. Mais le concept est vraiment cool. Je les ai conseillés à plein de potes qui veulent se mettre aux comics. Nico? Ouais, moi j'aime beaucoup le concept. J'avais envie de craquer pour justement le Rex, là, le Venom, parce que forcément, premier tome de Venom de Donny Cates avec... merde, j'ai oublié comment il s'appelle, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le comics. Ryan Stegman, je crois. Ah. Ouais, non mais c'est pas ça que je pense, c'est au méchant, là, au... À Knull. À Knull, voilà. Donc forcément, quand j'ai lu ça en VO, déjà, j'avais la gueule. Donc c'est vrai qu'en VF, ça m'aurait bien tenté et tout. Mais après, ouais, j'aime beaucoup ce genre de format. Justement, alors après, c'est encore mieux quand c'est des récits un peu one-shot. Après, l'avantage un peu, là, avec, par exemple, le Venom, c'est que quand tu regardes le volume 2, derrière, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que ça fait un peu one-shot. Mais effectivement, c'est super bien pour se lancer dans les comics. C'est un truc complet. Souvent, c'est quand même assez bien sélectionné, donc c'est un bon récit. t'as ça pas cher, donc c'est des bonnes initiatives qui se mettent en place. Ouais. Mais oui, c'est vrai que plus il y aura ce genre d'initiative, peut-être plus il y aura des lecteurs de comics, donc ça peut être pas mal du tout. On va peut-être passer côté flop au niveau des comics. Est-ce que tu en as, Baptiste, ou pas du tout? Ben, ce que j'avais dit, Injustice, la transition entre Injustice 1 et Injustice 2, il y a deux tomes qui sont sortis, c'est Injustice Ground Zero, l'histoire un peu racontée par Harley Quinn, son passé, la transition, ce qui s'est passé dans les anciens tomes, et j'ai trouvé ça mais barbant, d'une force mais incommensurable. Je m'en souviens, j'avais commencé à lire à l'époque, et j'avais arrêté la saga Injustice à cause de ces deux tomes. Et là, je me suis forcé à les finir, c'était vraiment chiant. Et ouais, alors moi j'ai un flop d'un comics que tu m'as prêté, Baptiste. C'est l'épilogue de The Boys, ma chère Becky, que j'ai trouvé long, chiant, casse-couille, aucun intérêt. Et voilà quoi, je l'ai lu parce que tu me l'as filé, mais honnêtement, c'était à chier quand même. C'est vrai que je l'avais lu aussi et ben j'ai trouvé ça vraiment moyen et je l'ai oublié. Quand tu m'as dit que je t'avais prêté un comic, j'ai dit, ah bon, je te prêtais quoi? Et quand tu m'as dit, ah ouais, c'est vrai, je t'ai prêté ça, mais sorti de la mémoire. Bah après, ouais, tu m'en as prêté quand même pas mal de comics, donc voilà. D'ailleurs, tu vas pouvoir bientôt les récupérer, les The Boys, mais c'est vrai que cet épilogue, honnêtement je vois pas l'intérêt. C'est vraiment long, chiant, et tu vois ça, tu dis mais pourquoi ils ont tenté ça? Pourquoi? Je pense que la série a marché et du coup ils ont voulu relancer des comics, c'est pour relancer la gamme de comics avant, et ils ont fait ça, nouveauté, du coup les mecs ils achètent ça, ah ben ils achètent les anciens tomes et voilà quoi. On surfait un peu, je pense, sur la série, mais... Ouais, ben bah, voilà, j'ai pas aimé. Nico, tu l'as lu, au fait, le tome de The Boys que je t'ai offert pour ton anniversaire? Koussian, t'as aussi... Il y a de l'orage, j'entends plus rien, il y a de l'orage. D'accord, ok. Bon, ben, merci. non, je ne l'ai pas lu. Faudrait que je regarde, bon, il doit être dans les piles de comics, mais... Et de toute façon, ça fait même, ça fait quoi, ça? Il y a un moment où j'ai commencé à racheter de temps en temps des comics. Au final, j'ai une palle de comics, mais que j'ai jamais lu. Donc, ça va être dedans, mais non, désolé, j'ai pas lu. Oh, mais c'était pour avoir ton avis, pour finir ce flop sur un avis positif, mais c'est pas grave. Donc, du coup, petit jingle et on va passer du côté ben, manga. Allez, bon, cette fois-ci, c'est les top flops côté manga. Alors, je pense qu'on va avoir des tops de la part de tout le monde. Enfin, en tout cas, j'espère. Nico, top, flop, enfin, tes top pour côté manga, qu'est-ce que c'est? Alors, on est limité ou pas? Parce que j'en ai quelques-uns quand même. Non, on est illimité. C'est chez nous, c'est illimité. Bon, ouais. Allez, alors le premier, en plus, comme ça, avec un nom super joyeux pour bien faire polémique, Hitler. Ah. De Shigeru Mizuki, qui Je te coupe, oui. Un peu, mais à force on va concurrencer ces news. On va parler d'Hitler, on va parler de ceci, cela. On va avoir un bingo à cocher et on va concurrencer ces news avec Zemmour. Enfin non, Zemmour n'y est plus, mais voilà. Parce que si tu commences tout de suite avec Hitler, franchement. Bah excuse-moi, c'est le titre du manga, donc je peux pas appeler ça autrement. Ah si, c'est justement le dictateur moustachu. Le nom d'un célèbre dictateur allemand moustachu. Oui, comme dirait même avec Star Wars, j'aime bien un célèbre peintre moustachu. Et du coup, t'as pas de mec, elle fait Salvador Dali, et l'autre il regarde et non, c'est pas lui. C'est. Voilà, c'est à peu près ça. Mais donc sinon, pour revenir vite fait, où c'est justement, ça raconte un peu la vie d'Hitler, c'est la montée aussi du parti nazi, les quelques alliances qu'il a fait et tout. Mais ce qui est sympa, c'est que presque le moment Seconde Guerre mondiale, c'est les 3-4 derniers chapitres. Et tout le reste, c'est vraiment justement beaucoup de politique, de compréhension Alors après de compréhension, je mets entre guillemets dans le fait, parce que si on dit compréhension d'Hitler, on va dire non, mais c'était pas un méchant quand même, c'était un méchant quand même, des trucs comme ça. Non, mais c'est vraiment comprendre tout le personnage, le côté artiste raté, tout ça, le lien qu'il a eu, un moment où il est parti en vrille parce que sa nièce était morte, des trucs comme ça. Donc c'était vachement intéressant. Puis en plus, le style de dessin de Shigeru Mizuki est vraiment bien. Et par exemple, il y a, cette semaine, j'ai lu Opération Mort, pareil, qui est de lui. Et donc, j'aime beaucoup. Après, un autre aussi, c'est Mon Cancer Couillon, qui est une œuvre autobiographique, du coup. Et donc, c'est un mangaka qui, à l'époque, était juste un assistant. Et donc, qui a eu le cancer des testicules, donc il nous raconte un peu son vécu avec les traitements à l'hôpital, des trucs comme ça. Et donc, c'est sympa parce que ça nous apprend quand même pas mal de choses sur le cancer, les métastases. Et on peut se dire, voilà, vu que c'est une autobiographie, des trucs comme ça, et c'est assez drôle, ça va être joyeux. Et en fait, non, des fois, par exemple, avec justement les personnes avec qui il partage la chambre, il y en a certaines qui meurent, d'autres non. Au moment où lui il guérit, qui doit retourner après vite faire l'hôpital, on se dit ah, c'est cool, ils ont guéri, mais en fait on se rend compte qu'il y en a un autre qui, par exemple, son cancer s'est redéveloppé ou des trucs comme ça. C'était vraiment sympa, c'était drôle, et de toute façon, c'était vraiment bien. J'avais vu des bons retours. Vas-y. Sur ce. Ah ouais, franchement, si tu connais, c'est l'auteur de Pédéliu, et c'est vraiment c'est génial. Et apparemment, les critiques que j'ai eues, c'était quelque chose de très accessible, même pour les personnes qui ne lisaient pas forcément de manga, et ça aidait à comprendre aussi cette situation pour ceux qui ont le cancer, les trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est justement par rapport à ça. Et pour te dire que c'est accessible, c'est que c'est ma sœur. Et au moment où j'ai vu quelqu'un qui en parlait sur Insta et tout, et ma sœur a vu que j'avais répondu ou que j'avais partagé ou je sais pas trop quoi. Et du coup, elle avait acheté pour moi. Mais elle avait gardé chez elle le temps qu'on se voit. Elle l'avait lu et elle avait adoré aussi, alors qu'elle lit pas de manga, quoi. Mais ça l'intéressait beaucoup. Donc c'est vrai que c'est vraiment un manga, tout un récit qui en plus quelque chose donc de réaliste vu que c'est une biographie qui touche un truc qui peut toucher un peu tout le monde, qui peut intéresser. Donc c'est une bonne chose, ouais. C'est une bonne introduction en plus pour les mangas. Après, côté un peu what the fuck et horreur, j'ai lu deux petites pépites qui sont Anamorphosis et Fraction, qui sont tous les deux. Alors attends que je me lève dans la bibliothèque pour regarder déjà l'artiste, mais c'est normalement Shintaro Kago, je crois, c'est ça, de Shintaro Kago. Et donc, c'est de l'horreur en soi, avec parfois des trucs un peu what the fuck, parce que j'avoue, sur Fraction, la fin du manga, je m'attendais pas à ça, et c'est vraiment bien. En fait, Shintaro Kago a l'intelligence de te montrer, souvent, justement, les deux récits sont de partager en deux parties, plus ou moins, où en fait, il essaie de te donner une vision des choses, jusqu'au moment où il te montre que, en fait, depuis le début, il te montre que ce que tu veux voir et qu'en fait, depuis le début, t'as les trucs qui sont liés et tout ça. Et c'est bien, c'est what the fuck. Et sa spécialité aussi, c'est que c'est de l'erugoro, c'est de l'horreur, mais c'est aussi très érotique. Encore, les deux récits principaux là sur les deux mangas, voilà. Mais après, à la fin, on a des one-shots qu'il a fait, des petits chapitres et tout ça en plus, où là, on voit vraiment le côté érotique. Mais c'est vraiment... ça a été deux claques que j'ai pris. Ça a été la découverte pour moi de Shintaro Kago. Et donc, je m'intéressais de plus en plus à ce mangaka qui a l'air vraiment pas mal. Après, grosse lecture, et ça a été une claque, œuvre en plus d'un grand mangaka, Osamu Tezuka, qui est La vie de Bouddha, qui est donc en 4 ou 5 gros, même plus que ça, attends, 1, 2. Il y a beaucoup de gros tomes, ça coûte cher. Ah non, si, il y a 4 gros tomes. Et en fait, justement, c'est Osamu Tezuka qui nous raconte un peu la vie du tout premier Bouddha. Justement, après, on suit plein de personnages. Ça peut être long, c'est sûr, il n'y a pas d'action, mais ça a été pour moi une bonne lecture et quelque chose, un peu, pas une leçon de vie quand même, mais c'était vraiment très intéressant, quoi. Donc voilà à peu près pour mes tops. Baptiste, et toi, t'es top? Bon, en manga, j'ai lu deux nouvelles choses, on va dire, hors mes séries en cours. J'ai lu en top, du coup, Sun Ken Rock de Boichi. Ah oui. Incroyable, grosse dinguerie, c'est ouf vraiment. Genre j'ai pris une grosse claque. Je me suis fait plaisir, je me suis pris le premier tome en édition de luxe et en format rigide qui est très sympa. Et on m'a conseillé souvent Boichi parce que les dessins sont hyper qualitatifs. Et j'ai voulu me mettre avec cette œuvre et j'ai pas été déçu. On suit l'histoire d'un jeune japonais qui arrive en Corée et qui en Corée. J'ai un doute. Bref, il va tuer et tu vois tout, il va rentrer dans une organisation de mafia. Et du coup, on peut voir les actes que font les mafias et tout. Et c'est vraiment. Je crois que c'est la première fois que je lis un manga. Je suis choqué. Vraiment, il y a des passages qui sont qui m'ont fait froid dans le dos et je me suis dit putain, entre guillemets, voir la mafia montrée de telle façon sous un format manga, eh ben c'est osé, mais c'est à lire. Franchement, c'est, je sais pas si vous connaissez vous ou si vous avez lu. Ah, il y aurait Adri, il en aurait bien parlé parce que lui aussi il les a lus et il a adoré. Et moi je sais que c'est dans ma liste des mangas qu'il faut que j'achète et que je lise. Et après, en effet, ouais, Boichi, c'est vraiment un gage de qualité, surtout au dessin. C'est pour ça qu'il y a eu, ça a gueulé un peu parce que c'est Boichi qui fait les Dr. Stone. En fait, c'est un style tellement différent que ce qu'il fait d'habitude, ça en est presque moche et tout ça que ça a déstabilisé. Mais effectivement, pour Sunken Rock, c'est oufissime ce qu'il fait. Franchement, et du coup, ce qui est bien, c'est que dans l'édition de Deluxe, là, et à la fin, il y a justement un témoignage, une interview de lui, et il explique que pour faire certaines planches, en fait, il a pris des se base par rapport à des photos de cascadeurs qu'il a invités pour refaire des scènes de combat et tout, qu'il prend des photos, et après, il essaie de les reproduire en dessin, pour avoir encore plus de réalisme. Déjà que c'est Ah assez ouais. réaliste, et c'est vraiment le rendu, et c'est ouf, quoi. Vraiment, je pense que. Je prends une fois que je vais à Toulouse, je me prends tous les autres tomes de luxe. Vraiment, voilà. Effectivement. Ah ouais, non, mais Tu vraiment, vas raquer quand même. je vais raquer, mais je pense à l'Evo parce que c'est vraiment une claque. Et puis même Ah oui. ce que j'ai dit en plus des dessins, il y a des thèmes qui parlent justement de la prostitution, des sévices que font la mafia sur ceux qui veulent pas coopérer. Et bah vraiment, genre, j'étais choqué. C'est le mot qui vient à l'esprit, j'étais choqué, j'étais en mode ah ouais, c'est il faut en avoir dans le pantalon pour le montrer ça quoi. Et je trouve ça bien de le montrer aussi. Parce que souvent la mafia dans les films on se dit ça va, c'est pas non plus c'est mal mais souvent on a la bonne image de la mafia alors que là bah la Mais mafia quoi. écoute, alors je l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté dernièrement enfin je l'ai reçu aujourd'hui en occasion. C'est Silencer, scénarisé par Sho Fumimura, et c'est à peu près la même chose que ça. Et si tu veux, je l'ai feuilleté. C'est vrai que là aussi, il nous montre un peu la mafia, les flics ripoux et compagnie, et c'est assez violent, mais quand on sait ce qu'a fait le mangaka, c'est quelque chose qui étonne moins bizarrement. Ouais, mais du coup, franchement, ouais, il faudra que tu me passes aussi. Je peux passer Sun Connect, tu me passeras ça. Mais ouais, franchement, à lire. Je pense que c'est l'un de mes plus belles surprises de manga de l'année, je pense même. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Oui, voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire, quoi. D'accord. C'est. Voilà. Je pense que je te passerai et on en parlera ou si on a l'occasion avec Adris faire un lire en bulle dessus ou quoi, s'il a tout lu. Chaud. Alors, pour rappel, hein, ça vous a pas fait tilt, mais Sho Fumimura, c'est quand même le scénariste de Hokuto no Ken. Donc c'est quand même un bon scénariste qui aime bien faire des choses un peu gore, quoi. D'accord, ok. Ouais, et moi, j'étais pas né quand c'était sorti. Tu les as sur ADN? Ah ouais? Eh oui. En non censuré. D'accord, ok. En Parce que. VF ou en VO, parce que. Peut-être les deux. Mais ouais, tu peux voir Ken le survivant maintenant. Très bien. Ben, c'est cool parce que je voulais me le refaire avec mon beau-frère et il galérait à les trouver ou alors ils les trouvaient en qualité pourrie, donc je veux dire qu'ils sont sur ADN, quoi. Ben ouais, te fais pas chier. Ah. Et bon, pour passer à autre chose, en deuxième top, j'ai lu et beaucoup aimé Doro et Doro. J'avais vu l'animé qui était sorti sur Netflix. Avec beaucoup de 3D, j'avais trouvé ça l'histoire intéressante. Bon, la 3D moins intéressante, hein, forcément. Mais l'histoire vraiment cool, et j'avais essayé de me les trouver. Sauf que c'est un manga édité par Soleil en 2002. Et du coup, ils ont plus été édités. Et du coup, ils coûtaient la peau du cul. Et j'ai réussi à en les trouver. On m'a offert les premiers tomes. Et du coup, et en plus, comment ça s'appelle? Ben, Soleil a commencé à les rééditer. Depuis cette année, là. Du coup, ben, ils sont redisponibles. Et franchement, ça vaut le détour aussi bien graphiquement que historiquement, c'est vraiment cool. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout, je t'écoute, je suis curieux. Bon, je lis le résumé parce que je reprends très mal les résumés. Kaiman est un jeune homme dont le visage a été transformé en lézard suite à un sortilège. En compagnie de Nikaido, sa jeune amie, il se lance à la poursuite du mage venu de l'autre côté. Il lui a lancé ce sort afin de se venger. Mais les choses ne sont pas aussi simples car en effet, le chef des mages est bien décidé à en finir avec ce lézard qui massacre ses mages et qui n'est pas sensible à leur magie. Aussi, ainsi, il lance ses trousses de tueurs. Les deux héros vont devoir survivre à cette aventure. Du coup, c'est un seinen, je dis pas de conneries. Non, je crois que je dis pas de conneries. Ouais, 14 plus. Et du coup, j'aime beaucoup le côté graphique qui mélange magie et ville moderne. Avec vraiment le côté où la magie, la ville est propre et tout, et l'autre côté, la ville moderne qui se fait souiller par la magie. Les mecs, quand ils font de la magie, ça fait genre des fumées noires de gaz d'échappement, et ils rejettent ça dans la ville pour la polluer et faire des expériences sur les humains qui n'ont pas de magie. Mais ouais, je suis très content parce que ça a été réédité. Hein, ça fait un moment que je voulais me les faire. Et je vous le conseille aussi parce que j'avais découvert ça avec la série, que j'avais grave kiffé, et pouvoir les lire, c'est encore mieux. Je connaissais pas du tout, et c'est vrai que je suis en train de regarder, ça a l'air pas mal, c'est un peu dans le style Shadowrun. Je vais pas. Shadowrun. Bah, c'est un jeu de rôle. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais voilà. Et du coup, l'histoire est vraiment intéressante. Tu vois, ces deux côtés-là, et le côté de la magie, le côté de magie est original. Et c'est de la magie, on va dire, un peu crade, tu vois. C'est pas de la. Les mecs, ils font des expériences sur les hommes parce que pour tester leur pouvoir et tout. Et ça, c'est cool. Je sais pas plus. Bah écoutez, moi, point de vue top, alors j'en ai un qui est global à un éditeur, quand même, parce que je trouve que cet éditeur fait vraiment fort sur la quasi-totalité de ce que j'ai lu, qui est à con. Mangetsu. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, t'as bien résumé. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Mangetsu, quand même, hein, c'est un éditeur qui est arrivé fin mai 2021, donc fin du printemps, début été, quand même, avec un titre sur le foot. Donc là, déjà, il faut oser. Et après, ça a continué début juin avec le Mandala de Feu, Shiruran. Et en juillet, ça a continué sur Tomie Panda Detective Agency, et ils ont continué à Washi. Et après, bah, ça a continué à s'enchaîner en août avec Keiji, Shiruran, tout au bout du quartier, et début septembre, donc le 1er septembre, Awashi et Butterfly Beast. Et c'est vrai que là on arrive sur du très lourd. J'ai quasiment tout lu. Le seul que je n'ai pas lu, c'est Panda Détective. Mais tout le reste, j'ai lu. Ah, j'ai oublié de citer Sensor également. C'est pas une petite maison, hein, parce que c'est quand même soutenu par Bragelonne. Ils ont les années d'expérience de Milestone Comics, et donc du coup également de High Comics. Donc ils nous ont sorti les Junji Ito au niveau de la qualité, ça y était. Couverture dure, c'est pas tous les jours en manga, mais même au niveau de la qualité du papier et compagnie. Et pour le moment, alors j'ai pas encore lu le Mandala de Feu, j'ai Ah pas mais moi je vu. te le dis, c'est très bien le mandala de feu. Bah, Je l'ai lu, moi je... j'ai adoré. Eh, mais il est sur ma pile, mais bon, j'ai encore du temps pour le lire, celui-là. Le seul qui est à mon goût particulier, je sais que tu l'as, Nico, c'est Tout au bout du quartier. Je Je sais l'ai pas pas si... encore lu, mais. Voilà, alors c'est une œuvre très personnelle. Donc c'est une œuvre de Pump Sawai, c'est celui-là mais c'est l'auteur de Panda Detective Agency. C'est très personnel, je peux pas vraiment le juger, voilà, parce que c'est un recueil de mini-histoires qu'il a fait. Il y a des histoires qui sont passionnantes, d'autres qui sont beaucoup moins bien. Donc voilà, je vais avoir vraiment un avis mitigé là-dessus. Mais voilà, pour le moment, tout ce qu'a sorti Mangetsu, pour moi, c'est un carton. Et je sais que notre libraire adore Mangetsu. J'en ai discuté avec lui, il est totalement d'accord sur mon avis en disant que pour le moment, il n'y a pas de fausse note. Tu sais à quel point Corallien est compliqué. Oui, bah ça je le sais. Ce qui est compliqué avec lui, c'est essayer de lui faire comprendre qu'on ne peut pas tout acheter. Non mais Mais il t'a déjà dit qu'il pouvait te mettre des choses de côté. oui, non, mais même des fois, il me dit, non, mais si t'as pas aimé un truc, tu me le ramènes et tout ça, je te le reprends et tout. Voilà, c'est. Mais oui, non, mais moi, des trucs de côté, il veut tout me vendre. Non mais Mais t'es après, faible je en même sais que temps. c'est donc une personne de confiance et forcément, je suis d'accord avec lui que même si j'ai pas tout lu de Mangetsu, c'est vrai qu'ils ont énormément. Soit ils prennent des légers risques, mais c'est des séries courtes ou des one-shot. Par exemple, le Mandala de Feu ou des trucs comme ça. Mais moi, le Mandala de Feu, j'ai pris une claque. Après, ils ont Junji Ito, qui est d'un côté leur artiste phare sur le fait que ça, c'est un truc qui est demandé depuis des années. Et après, ouais, Aohashi, j'ai pas lu, mais toi, tu l'as lu et tout. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal entre ça, Shiruran, ils sortent quand même pas mal de bonnes choses, oui. Alors, on va être très honnête, hein. Awashi, si t'aimes pas le foot, tu l'oublies, quoi. Hein. Faut pas le prendre. Ouais, non, mais de toute Voilà. façon, j'allais pas le prendre. Non, mais je préfère être honnête et le dire. Après, tu vois, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'ils prennent que des séries courtes. Tu prends Awashi, série en cours, 25 tomes. Shiruran, série en cours, 30 tomes. Keiji, bon, c'est entre guillemets une série moyenne, 18 tomes. Donc Non, voilà. mais après, quand je disais, c'est là où ils prennent ces derniers trucs, où ils prennent des risques. C'est surtout sur les one-shot ou des petites séries. Par exemple, tu vois, ils ont annoncé le truc du coq de combat ou coq super-héros, des trucs comme ça. On peut se dire, c'est bizarre, mais je crois que c'est un truc qui est plus ou moins court, des trucs comme ça. Donc là où des fois ils se font un kiff, un truc comme ça, c'est vraiment plus. Après, bon, comme Sullivan le dit, lui souvent, c'est tout ce qu'il veut sortir, c'est des coups de cœur. Donc c'est forcément, à chaque fois, il va y aller pour un truc qu'il a aimé. Mais c'est vrai que quand on regarde les grandes séries, tu vois. C'est soit déjà avec des artistes connus, soit enfin voilà quoi. Mais bon, après, en tout cas, c'est sûr que c'est quand même gage de qualité tout ce qu'ils ont sorti. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un gros coup de cœur. T'as pas encore essayé, toi, Mangetsu, il me semble. Moi, non, pas encore, non, pas du tout. À chaque fois, je les vois, ils me tentent. Genre, vraiment, visuellement, je trouve ça très beau ce qu'ils font. C'est très original, mais à chaque fois, j'ai d'autres trucs à acheter. Et quand je vois ma pile de lecture, enfin, la pile d'achat, je suis en mode, ce sera pour une prochaine fois. Et la prochaine fois, à chaque fois, je la décale. Et il faudrait que je te les emprunte aussi, je Oui, sais. voilà, emprunte-les-moi, c'est ce que je vais te dire. À part Détective Panda, j'ai tout. Ouais, en plus, je sais que t'as tout, mais je pense pas te les demander, vu que c'est vraiment qu'on s'est pas vu en plus. Ben oui, je sais. J'ai plein de The Boys à te rendre. J'ai Full Metal. J'avance sur Full Metal et je dirais presque également que c'est. Bon, je les ai commencés avant l'été, mais je les continue toujours un peu. Et c'est vrai que c'est. Je connaissais pas. D'accord, je reconnais, c'est une erreur de ma part. C'est toi. Je ne lisais pas, je connaissais pas, j'ai jamais vu l'animé. La première fois que j'ai touché à un Full Metal Alchemist, c'était début 2021. Wow. Ça me fait presque mal au cœur ce que tu viens de dire. Mais Bah ouais, moi ça, c'est, moi je trouve ça dur ça. c'est bien que tu t'y mettes, quoi. Non, alors par contre, tu vois, toi tu me sors ça, mais tu n'as toujours lu aucun Bleach. Il y a de l'orage, c'est ouf quand même dans la région là. Non, déjà pour ta gouverne, c'est faux. Parce que j'avais lu à l'époque les trois premiers tomes de Bleach. C'est merveilleux, sur combien? À l'époque, je pense qu'il y en avait une cinquantaine de sorties. Ah, bah tu vois, t'es un peu de retard quand même. J'avais trouvé ça cool et le nombre de tomes m'a un petit peu refroidi. Alors, déjà, il n'y en a pas tant que ça, d'accord? Il n'y a que En fait, t'as, 74 tomes. excuse-moi, mais bon, tu lis One Piece, donc à partir de là, est-ce que tu peux vraiment te plaindre sur un nombre de One tomes? Piece, Naruto, Jojo Bizarre Aventure. Voilà, donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ouais, j'ai pas pu l'acheter parce que j'avais d'autres séries très longues déjà en cours. Qu'est-ce que c'est 74 tomes? Oui, hein, c'est beaucoup quand même, hein. Alors, surtout qu'apparemment, j'ai cru entendre que Tite Kubo aurait une idée d'un nouvel arc pour Bleach. et qui devrait pas tarder à sortir au Japon. Ouais, je suis hypé là, attention. Non, oui, non, mais toi, t'es pas hypé, mais je sais que Nico est comme moi et qui peut être curieux de lire ça et qui pourrait être hypé. Ouais, mais attends, j'ai même pas fini le dernier arc alors. Il est chiant et nul le Faudrait que dernier je. arc. Faudrait... Mais ouais, mais c'est pour ça, j'avais lâché, mais faudrait que je reprenne. Bah, prends les Adri, il les a tous. Oui, je sais qu'il les a tous. Je sais que tu sais. Par Donc, contre, c'est oui. vrai que ça a l'air très intéressant. Ça, je peux dire le contraire. Ça a vraiment l'air cool et intéressant. C'est juste que je me suis pas penché dessus. Ouais, alors par contre, tu vois, franchement, Full Metal, c'est une vraie découverte, encore une fois, mais c'est vrai que à chaque tome qu'on finit, on apprend toujours un peu plus, et j'espère qu'à la fin, ça sera pas too much également. On en parlera quand on aura fini. J'ai pas envie de Ouais. te spoiler ou dire des informations que t'as pas envie de savoir ou quoi. Donc, on en reparlera quand on aura fini. Voilà. Ouais. Par contre, est-ce que tu as vu, petite info marrante, que sur la tranche de chaque tome, je sais pas, je crois que je l'ai déjà dit, tu vois les personnages qui meurent dans le tome. Non, What? tu ne Tu m'avais prends pas dit. ton tome, t'enlèves la cover, Ah. et sur la tranche, tu vois le personnage qui meurt dans le tome monter au ciel. C'est nickel. Comment te faire spoil avant de lire le bouquin, Ça. quoi? Et oui, et du coup aussi, tu n'as pas dû voir, mais sur chaque cover, tu as des conneries en rapport avec le tome aussi. Ouais. Ok, d'accord. Je Tu le me vois où couche en sur la entendant. tranche? T'as lesquels? T'as quelle édition? Ah, j'ai les nouveaux là. Ah bah oui, sur les nouveaux, ça y est pas. C'est sur les Ah, anciens. toi, tu parles des vieux. Ah ouais, Ah, d'accord. la première édition, quoi. Ouais, voilà, les puristes, la bande d'enculés. Nous, au moins, on a une belle édition. Moi aussi, je vais Dis. connard. Bien. Donc voilà, bah c'est un peu mes deux gros tops. Et on va peut-être passer au niveau des flops. Nico, tes flops. Ouais, bon, j'en ai eu deux. Le premier, c'était Dans la prison, qui était un récit quand même sympa, ou qui était là aussi autobiographique sur un mangaka qui avait fait de la prison pour port d'armes illégales ou pour ouais, possession d'armes, un truc comme ça. Et donc, le manga est intéressant sur le fait que ça nous montre un peu le fonctionnement des prisons japonaises, les règles et tout, comment faut ranger des affaires, les trucs comme ça. Mais, il a deux gros points faibles. Le premier, c'est qu'il est tellement complet que il peut donner mal à la tête. Et le deuxième, c'est que t'as pas de fil rouge. C'est épisodique, ça part dans un sens, dans le passé, dans le futur et tout. Et c'est un peu casse-couille. Donc c'est pour ça, j'étais un peu hypé et tout. J'aimais bien m'intéresser au truc, mais en fait, ça te perd tellement que c'est casse-couille, quoi. Alors, Et après, le deuxième, vas-y, ouais. par contre, vu que tu parles de manga de prison, alors, on peut citer quand même en top Rainbow. Ah, il faut que je me les achète, les Rainbow. Ouais, moi aussi. Ça a vraiment l'air cool. On n'en a pas la dernière fois, j'ai fait chez toi. Ça a vraiment l'air. Ça a l'air cool. Tu les as, toi? J'ai les trois premiers en démat. Ah ouais, mais ouais, moi je vais tous les acheter. Mais bon, déjà, en même temps, Kakizaki, juste pour lui, déjà, le dessin et tout, c'est. Voilà. Et puis, non, Rainbow, ça m'a toujours intéressé un peu, ouais. Non, Donc, franchement, ça, moi, c'est quand même un je best-of. sais que c'est. C'est dans ma liste et il y a un mois ou parce que je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, je vais tous me les prendre quoi. Alors, ça dépend. Tu as deux formats. Tu as le format. Je vais prendre les gros. Ah, donc du coup, c'est 7 tomes à 15 C'est euros le ça. tome. C'est ça, donc ça va quoi. En vrai. En un Donc, mois, je peux me les faire. ouais. Oui, non, mais de toute manière, vu ce que tu dépenses. Oh là là, tu vas revenir encore sur la discussion avec Non, non, non, non, Aurélien. non, non, non, non, je donnerai pas de chiffres parce qu'il y en a d'autres qui pourraient croire que tu es milliardaire alors que c'est pas le cas. Mais non, mais je sais que tu les prendras tous hein, là-dessus, y a pas de problème. Hein, et puis d'autres choses avec. Hein. C'est possible, mais ouais, donc oui, effectivement, Rainbow. Et après, il y a un autre truc que j'ai pas lu aussi, mais qui a l'air pas mal, c'est Prisoner Riku, je crois. Qui voilà, j'en entends souvent parler aussi, mais j'ai pas lu. Mais voilà, donc qui t'a parlé de la prison, Je connaissais pas du et tout le son nom. nom, mais moi, Prisoner aussi, je sais plus qui c'est qui sort ça, mais j'en avais entendu parler un peu. Ah, c'est Akata. C'est Ah Akata oui, qui le c'est ça. sort. Oh, bon, y a pas beaucoup de tomes. Ça, c'est bien. Il y en a 38. Oui, il y en a un petit paquet, oui. Voilà, Et je suis même pas sûr que ce soit fini d'ailleurs. 6, 38 tomes terminés. Ah bon, mais c'est C'est bon un alors. shonen qui parle de prison dans un monde apparemment post-apo. Et sinon, alors le deuxième flop, ça me fait un peu chier de dire que c'est un flop, mais c'est un peu ça. C'est Matsuo Basho. Et donc c'est le qui est en fait qui est le créateur des IQ. Et donc ça raconte un peu sa vie, comment il a créé les IQ et tout. Et en fait déjà c'était la découverte un peu de ce qu'étaient les IQ. Et en fait j'ai trouvé ça tellement court, juste en fait ce format de poésie à la japonaise, que ça en est légèrement frustrant. Et après à suivre sa vie et tout, je trouve que c'est trop épisodique sur des endroits par-ci par-là. C'était pas assez long, et ce qui était dommage parce que vu que c'était quand même un truc pour raconter l'histoire de cet artiste, c'était beaucoup trop rapide et c'est ce qui m'avait un peu fait chier quoi. J'ai découvert ça en prenant ça à la bibliothèque justement et ça a été un peu une grosse déception quand même. Mais sur Instagram, t'avais pas dit que c'était bien? Alors attends, qu'est-ce que j'ai dans le problème, c'est que des fois entre mais alors je crois pas, non je crois pas avoir dit que c'était bien. Mais c'est comme dans la prison. Dans la prison, j'ai mis 7, mais ça reste quand même une déception. Oui. Mais il me semble. Peut-être qu'en story, j'ai vu ça, que tu disais que c'était bien, et finalement, non, tu dis que c'est de la merde. Je te suis plus, je te comprends plus. Mettre des haïkus, voyons Non, voir. Kiji, des faiblesses et tout. Non, tu me fais dire ce que j'ai pas dit, là. T'essaies de m'avoir. Je sais pas. Mais ben voilà. En tout cas, c'est ça a la moyenne, ça 6 sur 10. Oui, bon, en même temps, ouais, je prends que de la qualité quand même, donc je peux pas mettre. J'ai pas des flops énormissimes, désolé. D'accord. Et du coup, tes flops de ton côté, Bastien? Merci, ça déjà, merci. Hein? T'as dit Bastien, non? Ouais, Non, non, j'étais non, sûr. j'ai dit Baptiste, il y a l'orage hein, Non, chez t'as dit toi. Bastien, t'as dit Non, Bastien, non, t'as dit non. Bastien. T'as une ligne d'orage entre Sweep chez moi et chez toi, j'ai fait là, c'est assez violent. Ah bah en même temps on est à 10 minutes de voiture donc c'est normal qu'il y a l'orage au milieu quoi. Moi, j'ai un flop, mais si je le lis, je sais pas comment vous allez réagir. Ah bah vas-y dis, on est là pour débattre. Moi, j'ai lu, j'ai commencé à lire pour préparer ma prochaine vidéo, GTO, Great Teacher Onizuka. Et je trouve ça vraiment moyen. Ah bah, je les ai pas lus, je voulais me les prendre pour les lire. Pareil, je les ai pas lus. Je connais l'animé, mais j'ai pas vu. Bon, par contre, tu risques d'avoir un contrat sur ta tête pour une bonne partie des personnes en France, mais. Mais en fait, j'avais commencé avec l'animé. J'avais trouvé ça vraiment cool. Genre vraiment le personnage, l'ambiance, c'est vraiment cool. Et en fait, en lisant, ben, je trouve que ça rend mieux un animé. Je trouve que le manga est trop brouillon. En fait, quand tu lis, en fait, j'arrive pas à me concentrer sur le héros principal. Parce que t'as toujours des dialogues ambiants autour de lui. Et je trouve que si t'essaies de choper toutes les bulles, en fait, t'es perdu. Un truc tout court, des fois, il va marcher dans la rue. Et ben limite, tu vas entendre les mecs passer. Ouais, putain, elles sont combien vos tomates? Et là, votre journal, je voudrais le journal, s'il vous plaît. Et du coup, ça fait trop d'informations. Et je trouve ça vraiment hyper brouillon sur le papier. Alors qu'en animé, je trouve ça rendait hyper bien. Donc du coup, Ah ouais, non mais je comprends. GTO en papier, je trouve ça un flop. Après, je pensais que vous aimez bien et que vous avez lu, donc je me suis dit peut-être que je vais me faire taper dessus par l'équipe, mais ça va en fait. Bah, c'est pas Tipeee qui adore GTO. Si, si, Tipeee adore GTO, ça, je te le confirme. Ouais, c'est Bon, mais bien voilà. confirmé. Du coup, je pense que je vais les signer parce qu'on nous a prêté et il faut que je fasse la vidéo dessus. Mais l'histoire est cool et tout, mais je trouve ouais, le côté brouillon et je trouve que. Enfin, voilà, je trouve que tous les personnages se ressemblent et j'ai du mal à différencier certains personnages et ça me perd encore plus dans l'histoire. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Et toi, Jeffrey, en flop? Alors, en flop. Je n'ai pas vraiment 10 000 sur l'été. En tout cas, pas en lecture. Parce que je suis comme Nico. Je sélectionne que d'excellentes choses à lire. Donc voilà. Alors, je regarde, hein, mais j'ai pas mémoire d'avoir lu. Vraiment quelque chose vraiment de très mauvais. Non, j'ai pas lu de choses de mauvais point de vue manga. Par contre, j'ai un flop plus pour la rentrée vis-à-vis des éditeurs. Ah. Parce qu'ils font, alors quel que soit l'éditeur, hein, alors je pense même que Panini ne fait pas partie de ce style d'éditeur, pour une fois, qui repousse les sorties, qui avait annoncé les sorties et qui les repousse. Je trouve ça d'un manque de respect quand même pour la plupart des personnes qui peuvent suivre. Alors, il y a la rentrée avec énormément de tomes qui sortent, mais il y a certaines choses. Alors, je rabâche dessus, c'est peut-être parce que j'adore ce manga, j'assume. Mais par exemple, on prend le manga Love X Dilemma, donc édité chez Delcourt. Manga fini en 28 tomes au Japon, hein, depuis l'année dernière. On est qu'au tome 18 en France. Non, pardon, excusez-moi. On est, si, au tome 18 en France. On devait avoir le tome 19 en septembre et pourquoi pas le tome 20 pour la fin de l'année. Et donc avoir 4 tomes dans le mois. Là, en fait, le tome 19 a été repoussé au 17 novembre. Ah ouais, Donc, quand même. 2 mois de retard sur un manga qui est terminé depuis plus d'un an. J'avoue que c'est bizarre, ça, quand même. Meian, apparemment, a fait une tonne de reports également. Kayun n'est pas en reste, hein, même si Kayun s'est beaucoup amélioré, ils ont annoncé quelques tomes de retard. Honnêtement, je trouve ça chiant. Bon, d'un côté, ça permet d'étalonner le mois de septembre qui était un lourd budget, mais je pense que sur certains mangas, je fais pas une fixation sur leur vice dilemma, mais quand même, avec 10 tomes de retard alors que le manga est terminé au Japon, avoir que 3 tomes par an, ça fait 3-4 ans pour avoir la fin du manga en France. Oui. Un peu la douille. Ouais, donc voilà. Alors, encore une fois, c'est pas une spécificité de Tonkam, hein, mais Yann, apparemment, ils ont pas mal merdé également. Beaucoup d'éditeurs à beaucoup de retard. Septembre, c'était un gros mois de reprise, donc on peut pas forcément cracher dessus non plus. Mais quand il y a des petits éditeurs qui font les efforts de suivre les dates et que on a des mastodontes qui n'y arrivent pas, je trouve ça chier et je trouve ça chiant. Donc voilà, ça c'est peut-être ma c'est pas un flop lecture, hein, mais c'est un flop général pour cette rentrée, c'est ce manque de cohérence de la part des éditeurs. Alors peut-être qu'ils auraient pu annoncer moins de sorties. Voilà, au moins ils auraient été honnêtes dès le début, ils auraient dit bon ben pour le mois de septembre on va faire 5 sorties au lieu des 15 habituelles. Finalement on va peut-être en faire 10, mais voilà. En retirer, par contre, je trouve ça vraiment un petit manque de respect et je trouve ça chiant. Compréhensible, tout à fait. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule. Donc voilà. Et au point de vue de lecture, je regarde, mais non, j'ai pas de flop. J'ai vraiment. Ah si, j'ai un autre flop. J'y pense. Alors c'était encore un flop de rentrée, mais allez, je vais le dire. Goblin Slayer. Je ne comprends pas les spin-offs de Goblin Slayer. Je ne Ah vois oui, pas. ok, tu m'as Ah, fait peur. oui, non, non, mais alors, Goblin Slayer est un excellent manga qui commence un peu tourné en rond, mais un excellent manga. Tu prends les spin-offs, ils ne servent à rien. Mais apparemment, les spin-offs, ouais, ils sont un chier. Alors, tu as le premier du nom qui s'appelle Yorwan, qui est là pour nous Ça expliquer fait très comique la. sur One. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Mais tu prends en fait la première année donc d'exercice Oui. du Goblin Slayer. Mais ça n'apporte rien. Tu le vois juste castagné et tout. Personnellement, tu vois, j'aurais préféré un titre qui s'appelle Goblin Slayer Origins, où on le prend à la sortie du village, juste après que sa sœur s'est fait violer par le gobelin, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du premier tome de Goblin Slayer. Et là, on aurait eu toute son aventure, sa progression, son entraînement et compagnie. Et ça aurait été un manga très intéressant. Surtout que tu apprends que dans Goblin Slayer Year One, qu'il a été entraîné par un hobgoblin. Ah ouais, quand même. Oui, mais c'est juste des flashbacks de 2-3 pages par tome. Complètement con, ça. Et ça sert à rien. Le manga ne sert à rien. Et à la rigueur, j'aurais appelé l'arc final Year One. Donc voilà. Donc, ce manga ne sert à rien. Je ne les ai pas payés. Je remercie. Je sais qu'ils ne nous écoutent pas, mais je remercie Milou de me les avoir prêtés. C'est des économies que je me suis fait. C'est Milou qui a ça ? Ouais, il a tous les Goblin Slayer. Mais il est d'accord avec moi, hein, ça tourne en rond, ça sert à rien. Oh, c'est utilisant tant qu'elle marche, quoi. Oui, voilà, mais si tu veux faire des spin-offs pour faire des spin-offs, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Quand tu fais un spin-off, ça doit amener quelque chose. Alors, tu prends les spin-offs de My Hero Academia, je crois que Vigilante amène un peu de choses. Et tu as le deuxième spin-off qui est sorti, Teams Up, qui amène beaucoup moins de choses, mais qui essaye d'amener de nouvelles choses comme des nouvelles équipes. Donc voilà, sur des chapitres en solo, et puis après tu passes sur une nouvelle équipe et compagnie. Mais ça tente d'amener quelque chose. Là, tu prends Brand New Day, que j'ai pas lu, Dieu merci, hein, je sais que Milou l'a, mais je vais pas lui prendre. Hein, où il tabasse du gobelin, tu prends Goblin Slayer Year One, tu le vois tabasser du gobelin, et c'est tout. Tu vois les histoires d'amourettes entre la fermière et la nana de l'accueil de la guilde arriver dès le premier tome de Goblin Slayer Year One. Et voilà, ça sert à rien et tu payes ça une couille pour rien. Après, moi, je crois que je vais t'arrêter au tome 2, mais ouais. Non, après, honnêtement, le manga principal est très bien, hein, tu peux le continuer, hein, y a pas de critique là-dessus, hein, mais faire autant de spin-off, en sachant que je crois qu'en plus il y a des romans qui sont sortis, des light novels, je ne vois pas l'intérêt, je comprends pas. Je vous ai tué, vous êtes d'accord avec moi ? Mais je sais pas... Ouais, mais ouais, moi, je suis d'accord, ouais. Tu les as lus ou pas du tout, les Year One ? Dis-moi. Ouais, oui, Nico, je précise. Non, tu sais, c'est-à-dire que non, moi, déjà, j'ai même pas lu tous les Goblin Slayer, mais j'en ai 5, peut-être 4-5. Et après, j'en parlais avec Aurélien, et il me dit, mais Year One, ça sert à rien, en fait, faut pas les acheter, c'est mauvais. Et donc, du coup, je les ai jamais pris. Ben, Aurélien m'avait dit la même chose. Et j'ai vu les Year One chez Milou la dernière fois. Du coup, tu t'es dit, bon, allez, je peux tenter, c'était gratuit, c'est ça. Ben, je me suis dit, il m'a dit, vas-y, prends-les, lis-les. Je me dis, bon, bah, écoute, je vais te prendre les 6 tomes, je vais les lire, et puis voilà. Je savais très bien que je n'allais pas acheter, je savais très bien que j'avais passé une mauvaise lecture. Mais je ne pensais pas autant. C'est vraiment catastrophique. Tu prends le manga moyen, et tu chies sur le manga moyen, et tu lis ça. Ok, ouais. Ah oui, non, mais il faut dire ce qui est. On est ce qu'on est, hein. Les gens qui nous écoutent, on sait qu'on a une certaine parole assez libre, hein. Bah, c'est de la merde. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était mon deuxième flop de l'été. Je pense qu'on croyait ça, parce que là, c'était un coup de gueule. Bah, les flops, théoriquement, c'était des coups de gueule. Oui. Voilà. Bah, c'est vrai que j'aurais pu appeler coup de cœur, coup de gueule, voilà, si tu veux, sur la prochaine partie qui va être plutôt pop, on va parler de coup de cœur et de coup de gueule, si tu préfères. Tu préfères qu'on fasse ça comme ça ? Pour savoir, moi je m'attends super animé, est-ce que je le mets en pop ou en manga ? Oh non, on va se garder ça en pop. D'ailleurs, c'est parti maintenant. Et nous voilà donc pour cette toute dernière partie d'émission. Donc voilà. Alors du coup, on appelle ça comment ? Coup de cœur ou top ? Bah, vu qu'on a commencé, on va plus dire bah, top et flop, quoi, parce que sinon ça va faire changer. Ouais, non, mais je sais pas. Puis après. Non, mais je préfère te demander au cas où, je sais pas. Hein, donc, bah écoute, Nico, quels sont tes tops de cette pop, de côté pop culture, donc animé, série, film, jeu vidéo. Alors, je dois vous avouer que bon, c'est surtout film, parce que j'ai une série que j'ai découverte dans l'été, que je continue encore à regarder, que je trouve magistrale et tout. Mais sinon, voilà, jeux vidéo, bah, je joue toujours au même jeu. Et donc, c'est surtout cinéma, parce que je passe mon temps au ciné, où ça va se jouer. Mais en tout cas, série, pour commencer, un véritable, un top 300%, un gros coup de cœur, c'est la série Atypical, qui est donc justement, en fait, une série où on suit Sam, qui est un jeune autiste. Et donc, dans sa vie, où il va découvrir l'amour et tout ça, il va essayer de trouver son indépendance et tout. Et c'est touchant, drôle. Et donc, il se passe plein de choses avec sa famille, avec sa petite sœur, des trucs comme ça. Donc, ça a été un gros coup de cœur. Et je suis archi fan de la série. Alors, série que vous pouvez retrouver sur Netflix, je précise. C'est ça. Tellement de plateformes SVOD, faut préciser maintenant. Ça va être de pire en pire, je crois, avec le temps. Et oui, c'est... Mais pas vraiment, parce que... Oh, bon, on en parlera une autre fois, hein. Vaut mieux, sinon on va s'éparpiller. Alors, je ne connaissais pas du tout Atypical, juste de nom. Est-ce que toi, Baptiste, tu l'as vu ou pas du tout? Non, je n'ai pas vu, mais je connaissais. Pareil, j'ai eu des bons retours dessus. Et du coup, c'est une série toujours en cours ou après 4 saisons, c'est terminé? Fini. Je sais, pour moi, on m'a dit 4 saisons, normalement, c'est terminé. Parce que moi, j'en suis à peine dans la saison 3, donc voilà, je n'ai pas fini encore. Mais je crois que 4 saisons, de ce qu'on m'a dit, c'est censé être terminé. D'accord, ok. Après, sinon, côté cinéma, bon, il y en a eu quelques-uns. Est-ce que Shang-Chi, c'est le 1er septembre, ça compte pour l'été ou pas? Oui, bien sûr. T'as encore l'été, c'est pas automne. Oui, c'est pas faux. Mais pas ouais, compris. Donc Shang-Chi, que... De quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Oui. Ah, mais t'as oh là là. Ça tombe bien parce que Kaamelott est dans mon petit top cinéma de l'été. Bah, tu peux me le laisser, si vous l'avez vu. Parce que j'ai pas beaucoup de. D'accord, top, ok, mais je te le laisse. Ah, je merci. Te le laisse. Donc, dans les bons trucs, bon, il y a Shang-Chi qui est. Jeffrey, oui. Je te laisse aussi au SS du coup ou pas? Bah, j'ai pas vu, j'ai vu que deux films cet été, donc si vous voulez, j'ai plus. Ah, voilà, ouais. Moi j'avais dit Kaamelott et OSS du coup, là. Hein, voilà, non, mais voilà, je tiens à être honnête. Que deux films. Après, sinon, c'est des films un peu vieux. Mais que je pourrais peut-être en parler aussi. Donc, tu peux, oui. On peut parler de films vieux aussi. Enfin, un film vieux. Donc du coup, ouais, Shang-Chi, qui était le dernier Marvel, qui était vraiment sympa. Il y a Old aussi, qui est le dernier film de Night Shyamalan, qui est vachement poussé et très réfléchi, parce que moi, je l'ai regardé comme ça et tout, où en fait, c'est des gens qui sont sur une île et tout, et donc il y en a qui meurent et tout ça, ils vieillissent super rapidement et tout. Et en fait, il y a tout un mystère autour de ça, et donc, je trouve avec le climax de fin, et j'en ai discuté avec ma sœur, et parce qu'il y a pas mal de trucs justement par rapport à médecine et tout, où tout est vachement bien construit et tout, et ça, c'est dingue. Et après, donc, un que j'ai bien aimé aussi, qui est Benedetta, qui est donc un film français avec Virginie Efira, qui surfe un peu sur la polémique, hein, surfe sur le blasphème ou les trucs comme ça, où c'est une femme qui est censée avoir des visions, être liée à Dieu et tout ça, sauf que qu'on met le blasphème, elle avec la luxure, elle couche avec une autre, des trucs comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé la structure du film et tout ça, quoi. Alors, donc après, voilà, après, les trois. Je te coupe un peu pour un Benedetta, mais quand tu vois le réalisateur, c'est des choses qui choquent pas en fait. Oui, mais bon, tu connais les gens. Oui, non. Moi, j'ai vu des gens dans la salle, ils se sont levés, ils sont partis. J'étais en train de je me barrais. Ouais, mais c'est ridicule. À un moment, quand tu vas voir un film réalisé par le réalisateur de Basic Instinct, tu te poses pas de questions là-dessus. Tu te dis bon, ben voilà, je sais ce que je vais voir. Je sais pourquoi je paye ma place. Je suis assez d'accord avec toi, t'as des bandes annonces, ça sert à ça aussi. J'ai des parents de certains amis à moi qui m'ont dit « Ah non, j'ai vu la bande annonce de film, c'est un blasphème, faut pas aller voir ci, faut pas aller voir ça. » Bah ouais, mais tu vas pas le voir et puis c'est tout, quoi. Les gens qui sont dans la salle et qui sortent, c'est un peu con, quoi. Mais après, de toute façon, c'est un blasphème, c'est des faits réels, donc le blasphème est déjà fait. Oui, voilà. Enfin, voilà. Mais que moi, en tout cas, j'ai adoré, quoi. Bah, c'est un film avec moi, c'est un film qui me tentait bien. Je devais aller voir avec un pote, mais il allait sans moi. Mais je pense que mais je pense que faut que je le mate. Parce qu'il a vraiment l'air cool. Bah, enfin, il a vraiment l'air bien, quoi. Dès qu'il sort sur Canal, à la rigueur, je t'appelle, tu viens chez moi, on le regarde parce que je voulais le voir et malheureusement j'ai pas pu, donc je suis comme toi. Après, si vous voulez un dernier excellent film, il est pas sorti cet été, mais c'était plutôt juin, mais c'est le dernier Guy Ritchie, Un homme en colère, qui celui-là aussi était bien oufissime et que je vous conseille aussi. J'avais des retours mitigés, moi, qui disaient que soit t'aimais, soit t'aimais pas, mais dans tous les cas, c'était pas où tu payais de Guy Ritchie. Alors, j'ai une question, Nico. Vu que t'as vu Shang-Chi, vu que on va dire quand même que c'est le film qui lance la nouvelle phase Marvel, même si théoriquement c'était le Spider-Man et puis après le Black Widow, mais bon, ça date d'il y a tellement longtemps qu'on les a presque oubliés. Est-ce que il lance bien cette phase où on va avoir quand même beaucoup de films en quelques mois? En tout cas, est-ce qu'ils le lancent? En tout cas, pour lier à l'univers, ils ont lié sur la fin, justement, Shang-Chi, avec justement la scène post-générique qui laisse un mystère par rapport à tout ça. Mais en tout cas, là, au moins, on part sur une bonne lancée, parce que sinon, il y a un autre film Marvel qui est dans mes flops. C'est que lui, au moins... Ouais, voilà, Black Widow, parce qu'il était horrible. On en parlera après. Oui. Mais Shang-Chi, par contre, ouais, il démarre vraiment bien, on s'attache assez bien au personnage et tout. Et justement, on a quand même quelques mystères un peu, mais après, il reste quand même assez à part, tu vois. Donc, tu vois, si y aura un Shang-Chi 2, je ne sais même pas ce qu'ils y mettraient, mais ce ne serait peut-être pas lié à ce qu'on a vu dans le 1. Donc, un film en soi, il est vraiment bien. Après, pour lier à tout l'univers Marvel, c'est peut-être moins ça, quoi. Ok, bon, moi, je peux attendre qu'il sorte sur Canal pour le voir, quoi. Si tu veux, oui. Oui. Normalement, tu n'en vas pas parler dans les Éternels ou dans les autres trucs, donc tu peux y aller. Bon, souviens-toi que pour les Éternels, tu m'invites pour qu'on aille le voir en VO, hein, parce que je le paye pas. Oui, non, mais je t'inquiète pas, c'est gentil de me rappeler que je dois aller voir les Éternels. Oui, non, mais on va le voir d'idée, quoi, hein, du coup, histoire de se faire bien mal, se faire flageller, se faire sodomiser. Oui. Mais voilà, mais je le paye pas. Voilà. Mais j'ai le pass du haut, t'inquiète pas, tu payes pas. Ah, t'as le pass du haut maintenant? Mais oui, alors là, on va rentrer dans la vie privée, on va éviter de tout détailler du pourquoi j'ai le pass du haut, mais j'ai le pass du haut. D'accord. Ah, d'accord, bah c'est cool. Mais c'est pour ça que je t'ai dit de venir, c'est que je te le payais, en fait. Ah, mais j'avais pas compris ça comme ça, mais... D'accord. Mais oui, mais tant mieux. Ben écoute, on va voir tous les Marvel ensemble, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, mais si tu veux. Ah, ben moi, c'est bon, c'est noté. C'est noté. Donc du coup, jeu vidéo, non, tu me disais que tu joues toujours au même. Tu joues toujours à Fortnite ou tu joues à un autre jeu vidéo vraiment? Ben non, je fais du Fortnite, du Rainbow Six. Après là, si, je me suis acheté le Assassin's Creed Odyssey, mais voilà quoi. Ouais, ok. Du coup, t'es top, Baptiste. Rapidement, j'en ai plein, mais je vais essayer le plus vite possible. En top, je me suis refait les SAO, les deux premières saisons. Et ben, c'est beaucoup mieux dans mes souvenirs, surtout la saison 2. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Non. Voilà. Ah, juste moi aussi, rapidement. Oui. Rapidement, je lui dis, voilà, c'est parce que j'ai pas eu le taille dessus, c'était de la revisionnage. Très belle surprise, je crois que c'est toi, Sweep, qui en avait parlé, ou Adrien, j'ai un doute. L'animé Dororo. Mais t'en as parlé. J'ai pas parlé de l'animé. Moi, j'avais parlé du manga, ouais, Dororo. D'ailleurs, j'attends toujours le tome 2 qui sortira peut-être jamais, j'en sais rien. Mais ouais, là, on avait parlé de l'animé par rapport justement au fait que j'avais parlé de Dororo, moi. Voilà. Et ben, très belle surprise, hein. L'animé est vraiment cool. Ça a presque donné envie de lire le manga, mais le manga est trop vieux pour que je le lise. Parce que t'as quelle édition, toi, la nouvelle qu'ils ont fait inspirée de l'animé ou du vieux manga des années 60? Ah, moi, c'est le vieux manga. Hein. Ouais, le vieux, ouais. Parce que je sais que j'ai sorti une édition, je crois que c'est en anglais, où ça reprenait les chara-design et l'histoire de l'animé, en fait. D'accord. Et voilà. Voilà. Et sinon, en top, hein, j'ai commencé à regarder la série What If. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, moi, je voulais en parler. Mon flop. Ah ouais? Ah ouais. Mais en fait, En fait, je l'ai commencé à la regarder par curiosité parce qu'on avait parlé. Bon, graphiquement, je trouve ça pas ouf. Je trouve ça un peu moche. Mais la plupart des épisodes, on va dire, sont bien. Genre, moi, je l'ai vu une fois, je n'ai pas les regarder. Par contre, l'épisode sur Doctor Strange, grosse claque dans ma gueule. J'étais sur le cul. J'ai pas vu. Vu qu'on y est, je vais rentrer dans le lard. J'ai vu que les deux premiers épisodes. Je suis comme toi. Peut-être un peu par flémagite aiguë ou autre. Je m'étais dit, je vais suivre Star Trek, Lower Deck et What If en même temps, mais finalement, j'ai lâché les deux. Alors que Star Trek est pas mauvais. Et voilà. Alors, le premier épisode, je l'avais bien aimé, hein, avec Captain Carter. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Par contre, je suis tombé sur le deuxième. Je me suis fait chier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que le scénariste a pris une tonne de LSD pour nous faire un monde de bisounours. Et voilà, et ça m'a cassé l'envie, alors qu'il y a des épisodes que j'attends énormément, comme le Marvel Zombie qui est déjà sorti. L'épisode Doctor Strange m'intéresserait, mais ça m'a... Voilà, le deuxième m'a cassé la hype. En fait, du coup, tu pourrais faire comme moi, c'est-à-dire faire le tri des épisodes, mater que ce qui t'intéressait. Moi, t'aurais pas été déçu. Moi, genre, j'ai par exemple l'épisode 2 qui doit être Black Panther, doit être cher. Je l'ai pas regardé en fait, je l'ai sauté. Le thème me plaisait pas. Du coup, j'ai maté que les épisodes qui me plaisaient. Du coup, Captain America, Doctor Strange et le Marvel Zombie. Et franchement, j'ai faut genre les autres. Mais les trois que j'ai vus là m'ont vraiment envie de regarder les épisodes qui m'intéressent pas. Parce que je me dis, je peux avoir une belle surprise. Nico, ton avis sur What If pendant qu'on y est ? Ben, comme toi, moi j'ai vu les deux premiers pour le moment. Après, c'est vrai que le Doctor Strange, apparemment, c'est une sacrée claque et il faut que je le voie. Mais en fait, j'oublie toujours de regarder les What If. Donc, c'est ça mon problème. Mais par exemple, ouais, l'épisode. Encore le 1 était sympa, mais le 2, c'était une purge pour moi. C'était affreux. Puis, voir Thanos comme ça, ça m'a fait du mal. Ouais, mais on est d'accord. Thanos, c'est un bisounours. Oui, bah oui. Voilà, expliquer et tout. Mais non, mais voilà, mais tu dis, mais arrête. Avec la blague du non, mais tu vois, si on supprime la moitié et tout, non, mais c'est un génocide, tout ça, faut pas le faire, non, mais si. Enfin voilà, ça m'avait saoulé, ouais. Non, mais c'est. Voilà, ça m'a tué. Mais, franchement, regardez l'épisode de Dr. Stan, sans déconner, voilà, je vais vous dire. Ah non, mais je vais le reprendre, hein. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais voilà, il faut que je la reprenne. Bah, tant qu'on est dans l'animation, je crois que vous n'êtes pas très fan, mais Rick et Morty, c'est dans 5. Ah si, je suis fan, j'adore. Ah bon ? Je crois que t'aimais pas. J'aime pas, je vois pas l'intérêt du comics. Mais sinon, j'adore. Franchement, Rick et Morty, c'est la meilleure série indépendante, donc que je considère pas liée à un univers comme What If, comme Star Trek et compagnie, mais c'est la meilleure série indépendante qui est sortie depuis South Park. Ah oui, ouais. Bah, du coup, j'ai ma télé 105, je les passerai. Il est pour moi une des meilleures saisons de Rick et Morty depuis les deux premières, je pense. La saison 4 m'avait extrêmement déçu parce qu'ils avaient enlevé un peu le côté fil rouge. C'était vraiment des histoires indépendantes. Je trouvais ça moyen. La 4 est à chier. Ouais, voilà. Et là, ils sont revenus sur. Il n'y a pas autant de fil rouge dans les premières saisons, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment, vraiment goldés. Genre, je pense qu'il y a 10 épisodes. Pour moi, il y en a deux qui m'ont déçu un peu, une expression de déjà vu. Et les 8 autres, putain, ils sont incroyables. Pour moi, c'est aussi bien que les premières saisons. Je me tarde déjà à la 6, quoi. C'était vraiment grosse claque et toujours aussi drôle. Des fois, ils ont pété les plombs, quoi. Mais vraiment, je la passerai parce que la saison 5 est. Rick et Morty, pour moi, j'avais peur qu'avec le temps, ça s'épuise. Surtout quand j'ai vu la saison 4, je me suis dit, putain, fait chier, quoi. Une bonne série qui en fait, en trop vouloir en faire, ça va être pourri sur le long. Et au final, la saison 5 remontée dans mon estime très très haut. Sweep, je sais pas si tu avais vu les anciennes saisons. Si... Je crois que j'ai vu que les deux premières. Et en fait, ben, c'est le truc des fois que j'ai avec cette série. Il y en a tellement que j'oublie de regarder. Mais il faudrait que je m'y remette un jour. Enfin, c'est vrai que c'était vraiment bien. Moi, je kiffais bien, oui. Eh ben, moi, de mon côté, des... Alors, si, jeux vidéo, t'as eu le temps de jouer ou pas, toi, pendant l'été? J'ai joué à Dokkan, Hearthstone et un AFK Arena-like. D'accord, ok, nickel. Mais j'ai pris Diablo 2. Ah. Donc bon. Là... Voilà, ok. Ah si, j'ai joué à la bêta de Diablo 2, ça compte ou pas? Oui, oui, bien sûr, ça compte. Une bêta de New Remastering, c'est magnifique. C'est du jeu neuf, ça. Ah, du jeu neuf du neuf a priori, ok. C'est pas... Oui, c'est pas faux. Voilà. Bon, après, juste dernier, hein, et après je te laisse la parole. Vas-y. J'ai regardé le film d'animation The Witcher, Le Cauchemar du Loup, dispo sur Netflix. Et alors? Ben, franchement, c'était cool. C'était le un peu origin story de Vizimir. Et t'apprends comment comment la Witcher, la société des Witchers, la décadence, quoi. C'est assez intéressant. L'animation est pas incroyable. Ça s'approche très d'un Castlevania. Il y a des scènes très bien et des scènes un peu moyennes, surtout avec les personnages en arrière-plan qui sont moins bien travaillés. Mais franchement, pour ceux qui aiment bien The Witcher ou qui ont kiffé la série, et je la conseille parce que c'est cool. Par contre, c'est de l'animation et les mecs qui s'en fait plaisir, les Witchers sont vraiment craqués dedans. Voilà. Je sais pas si vous avez envie de la regarder, si. Il faudrait que moi, elle me tentait, ouais, il faudrait que je la regarde. J'ai pas. Alors, j'aime l'univers de Witcher, mais j'ai pas adhéré à la série. Ah ouais? Ouais, je. C'est pas mauvais, mais c'était pas ouf non plus, quoi. Non, t'avais lu les livres ou t'avais joué au jeu? J'avais joué au jeu. Ouais. J'avais kiffé le jeu, mais je sais pas. Ah, moi, j'ai bien aimé la série. Il y a des trucs que j'ai pas aimé dans la série, mais je me dis en première saison et tout. J'attends la deuxième parce qu'il y aura beaucoup plus de budget et je pense que ça peut être vraiment cool. Et je trouve que l'acteur principal joue bien. Enfin, j'avais un peu peur au début avec Cavill, mais je trouve qu'au final, il porte bien le personnage. Ok. Du coup, de mon côté, au niveau du top côté cinéma, j'ai envie de dire que c'est quand même le grand retour, enfin, des bons films français qu'on ne se lasse pas de voir au cinéma. Nico a cité Benedetta, que je n'ai pas pu voir, mais qui me tentait. Kaamelott. Kaamelott qui est sorti avec autant d'années qu'on l'attendait. Il y en a qui ont été déçus. Moi, personnellement, je l'ai adoré. Je trouve qu'on est typiquement dans le cadre des derniers livres, avec un peu plus d'humour des premiers livres. Donc, ça fait un bon mélange et compagnie. Honnêtement, ça sent que c'est le bébé d'Alexandre Astier. Et voilà, il a tenté d'annoncer quelque chose pour lors de la première de Quotidien à propos de Kaamelott second volet, qui dit que ça sera un film mais pas que, donc à savoir s'il va lancer Kaamelott Résistance en même temps que le second volet ou est-ce qu'il va nous faire le second volet en deux parties, qui sait. Donc voilà. Et OSS 117, voilà, on pourrait croire que ce style d'humour, ça ne passe plus, parce que voilà, le premier, on avait tapé sur les Arabes, le deuxième, on avait tapé sur les Juifs, sur le troisième, on tape sur les Noirs. L'humour est ce qu'il est, mais il fonctionne toujours, et ça fait plaisir de voir toujours ce genre de film avec un humour qu'il faut prendre au second degré, parce que c'est pas sérieux tout ça, mais c'est beau de voir que ça existe toujours dans une société où en fait j'ai l'impression qu'il faut de moins en moins se dire de choses et qu'on peut de moins en moins rigoler de certaines choses. Donc voilà, ouais, le big retour des films français, ça fait plaisir. Nico, t'es un peu notre spécialiste cinéma, qu'est-ce que tu penses de cette chose? Est-ce que c'est bien le retour des films français? Ben, alors, pour te dire, parce que toi, tu n'as vu que ça, mais pour moi, on est vraiment sur une bonne lancée des films français. Parce que là, septembre aussi, j'ai vu deux très bons films français qui étaient d'un côté un triomphe et de l'autre délicieux. Et je trouve effectivement que Mis à part quand on veut vraiment, alors à part OSS en dehors et tout ça, mais quand ça se la joue comédie un peu, souvent c'est dur à rater, mais par contre, pour des fois tout ce qui est dramatique ou autre, ou après, bah après Kaamelott, bon, parce que ça c'est bébé d'Alexandre Astier, donc on savait à quoi s'attendre et tout, comme OSS, on savait quasiment à quoi s'attendre. On arrive quand même sur une bonne lancée sur les films français. Là, pareil, il y a Boîte Noire qu'il faudrait que je regarde aussi, qui a l'air vraiment bien. Donc je pense qu'on se renouvelle vraiment pas mal sur le cinéma français et je vais commencer à en regarder de plus en plus. Baptiste, ton avis sur les films français ? J'en regarde très peu, mais le tout, j'essaie de faire le tri un peu dans ce que je regarde, mais il y a des belles choses, hein, comme tu as dit, Kaamelott, OSS, Benita qui a l'air très bien. À l'époque, je sais que j'avais maté. Enfin, battement par minute, des films comme franco-belge grave. Il y a vraiment des belles choses. Je pense qu'il faut savoir faire le tri et pas. Faut chercher un petit peu, je pense, et pas rester sur un truc du. On sait faire que des films soit de gros bof ou soit des films d'auteurs trop chelous. Si t'as pas ce que les rêves, tout ça. Ben ouais, je suis totalement de vos avis. Alors. Côté top, je vais mettre quand même Loki, qui est pour moi une excellente surprise point de vue série au niveau de Disney+. On a eu la sorcière, enfin Wanda et Vision qui a mis la barre haute. Loki, après on a eu Sam et enfin Captain et le Falcon qui a redescendu le niveau. Parce que c'était moins ouf au niveau du scénario, mais même si ça continuait sur les mêmes lignées des Captain America, donc là-dessus c'était quand même appréciable. Mais Loki était quand même une excellente série où j'ai passé un bon moment et ils ont tenté de nous placer les premières pierres du multiverse, un peu plus que WandaVision et pareil, ils nous ont mis Kong. Qui va revenir plus tard dans Ant-Man et la Guêpe, donc le troisième volet. Et voilà, donc c'est vrai que Loki pour moi a été une bonne surprise. Donc voilà. C'est vrai, je te rejoins sur Loki, où effectivement, ça a essayé de construire tout un truc et tout, et c'était vraiment bien. Et effectivement, ouais, ça pose les bases du multivers. Et donc à voir justement comment tout va être traité, mais. Franchement, ça a été une sacrée surprise. Ouais. J'ai apprécié, je ne pensais pas, parce que vers les premiers épisodes, je me disais c'est un peu bizarre et tout, je ne sais pas comment attendre. Et au final, ça a été un très bon truc. Je ne l'ai pas encore regardé personnellement, mais je pense que c'est une des rares séries Marvel que je vais regarder qui me tente. Quoi. Parce que Wanda ne me tente pas plus que ça, même si j'ai des bonnes critiques. Et Winter Soldier, ça ne me tente pas du tout. Ouais, voilà, ouais. Mais Loki, il faut que je la regarde. J'avais prévu de la regarder, mais au final, je me suis mis sur What If, donc. Eh ben, c'est dommage parce que Loki était à la base de What If, quand même. Ah bon? Ouais. Enfin, moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Hein. Moi, j'ai bien fait de voir. Enfin, dans la logique des choses, oui, t'as pas tort. Oui, donc. Alors, le problème, c'est que si. Oui. Je peux pas le dire, mais... sinon, je le spoil. Mais... Sinon, le spoil, voilà. Mais, ouais. Mais voilà, donc moi, ouais, non, Loki, c'est la base, c'est la base fondamentale de What If. Mais je ne peux pas t'en dire plus, et voilà. Comme d'un autre côté, WandaVision et Loki, et peut-être même What If, vont être la base du prochain Spider-Man, et pourquoi pas du prochain Doctor Strange également. Ouais, faut que je regarde, mais faut que je me motive, quoi. Enfin, Loki, ça va, mais Wanda, faut que je me motive, quoi. Franchement, Wanda vaut le coup pour les références et les efforts qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'aime la regarder, en fait. Surtout pour ça, parce que franchement, le personnage. Ouais, le personnage, c'est chiant, il ne faut pas se mentir. Le personnage est chiant. Ouais, le personnage ne me donne pas envie, mais c'est plus le côté créatif qui a été fait toujours qui a vraiment l'air intéressant. Alors, le côté créatif, ah oui, là, après, c'est vrai que. Alors, le personnage n'est peut-être pas forcément chiant, mais dans le MCU, il est sous-exploité. Je dirais ça plutôt comme ça. Oui, ouais, bah ouais. Bon, après, j'ai pas eu les comics, donc je peux pas faire la comparaison. Mais Nico, tu trouves que dans le MCU, elle est sous-exploitée, non, Wanda? T'es comme moi. Ah oui. Oui, on est d'accord. Mais c'est-à-dire que bon, quand on connaît les comics, c'est tout ce qu'elle a fait, effectivement, dans le MCU, c'est se foutre un peu de sa gueule. Mais oui, bon, oui. C'est le MCU, tu peux pas tout faire comme il faut avec tout le monde, quoi. C'est ça. Et puis, c'est compliqué de la faire aussi puissante parce que bah, sinon, il y aurait plus de jeu, quoi. C'est ça. Parce qu'elle fait quasiment, dans les comics, jeu égal avec le Sorcier Suprême qui est Doctor Strange. Ouais. Bon. Voilà. Donc, elle a ce niveau. C'est pas... Alors que là, c'est juste une petite greluche. Ça, je me demande si... Enfin voilà, c'est à chier comment est traité au niveau du MCU, c'est dommage. Donc voilà, ça c'est pour vrai que point de vue série, Loki, c'est vraiment mon top. Après, j'ai regardé ici quelques films qui sont sortis l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai regardé le film En Avant de Pixar, que j'ai kiffé. Franchement, je pense que Nico, tu l'as vu toi aussi, je suppose. Oui, mais moi, ouais, je l'ai vu il y a longtemps, mais oui, j'avais bien aimé. Bah, je trouve qu'en tant que rôliste, tu as toutes les références qu'il faut pour kiffer. Oui. Voilà, je le dis. Et même si tu n'as pas toutes les références, tu peux très bien l'apprécier avec l'esprit pop culture et compagnie. Et j'ai vu également, et là, ce film va faire débat, le dernier Terminator, donc le Dark Fate, que j'ai trouvé bon. Je ne vois pas, il s'en stamina tort, j'ai pas tout vu et j'avais trouvé ça bien. Même les derniers. Moi j'avais lâché l'affaire, donc j'ai même pas eu le courage de regarder celui-là. Alors honnêtement, tu vois, déjà, il n'y a pas Emilia Clarke. Tu vois, ils l'ont effacée, elle n'existe plus. Donc déjà là-dessus, tu te fais ouf, c'est terminé. Et c'est théoriquement une suite directe du 2. Donc, tu oublies le 3. Mais honnêtement, ils ont essayé de faire des choses. Et ce n'est pas si mauvais que ça. Et je ne comprends pas pourquoi il a été autant bâché. Alors, peut-être parce que Genesis a tué la licence. Mais pour moi, c'était un bon film. J'ai vraiment bien aimé, quoi. Donc, je te conseille, Nico. Franchement, si tu arrives à le voir, regarde-le. Mais meilleur que... Enfin, tu vois, il y a Genesis qui est en dessous de la croûte terrestre, tu vois. Et oui. Au niveau... du niveau de la mer, tu as Dark Fate. D'accord. Un énorme progrès. Franchement, on n'aurait jamais pu faire pire que Genesis. Qu'on avait vu ensemble. C'est sûr. Oui, oui. Je me souviens, c'est cette purge. Donc voilà. Et bon, en termes de jeux vidéo, j'ai, à part Fortnite et Football Manager, j'ai pas fait grand chose. Si, Formula One, ouais, j'ai un peu torché Formula One également, mais celui de l'année dernière, j'ai pas acheté le nouveau, donc voilà, jeux vidéo, voilà, c'était ça. Et quels sont vos flops, Nico? Déjà, Black Widow. Ah, voilà. On parle de cette tragédie. C'est comme une tragédie grecque, Black Widow. Alors, qu'est-ce que t'as pas aimé? Le scénario? T'aurais préféré une format série comme ils vont faire pour Hawkeye? Ou vas-y, développe un peu. Ah ben, ouais, enfin, il y a rien qui va. Bon, est-ce que j'ai le droit encore de me plaindre des mauvaises adaptations vu ce qu'ils ont fait pour le Taskmaster? Oui, vas-y, pas. De toute manière, j'ai pas vu le film. Alors, je crois que c'est ton nana qui joue le Taskmaster. Ouais, et non, mais voilà, c'est à ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Enfin, voilà, après, puis le format, même film, c'est pas... Soit ils auraient dû le construire vachement, soit ils auraient dû faire plus court, mais là, les trois quarts du temps, tu te fais chier. En plus, t'as avec leur histoire de famille, où c'est une famille, sauf que c'était une fausse famille, parce qu'il y en a un qui est un espion, enfin, qui était un soldat espion... Je jouais les espions, donc les deux gamines servaient juste d'excuses et tout ça. Donc c'était pas une vraie famille, mais ils essayaient quand même reformer cette famille. Enfin, ouais, c'était casse-couille. En fait, c'était casse-couille. C'était le Fast and Furious du MCU. Famille. Ouais, mais autant Fast and Furious, j'ai du mal à dire ça, mais au moins c'est bien parce que là, c'est. C'est franchement, j'ai détesté. C'est dur à dire parce que depuis le temps qu'on attendait ça, mais j'ai détesté quoi. Je pense, ouais, format série. Et encore, même, série, c'est le scénario, même, il aurait fallu le revoir, quoi. C'est ça le problème. Mais après, bon, voilà. Elle est morte maintenant, c'est l'essentiel. Dégueulasse comme phrase, mais mais et voilà quoi. En sachant que je l'ai pas vu le film, j'attendais qu'il sorte sur Disney, mais bon, je me suis fait un peu spoil. De toute manière, elle meurt à la fin, ça on le sait tous. Mais Yelena va réapparaître dans la série Hawkeye. Donc oui. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ils devraient attendre de voir Black Widow théoriquement avant de voir Hawkeye. D'accord. Voilà. Parce que je crois qu'à la fin, il y a Miss Konas qui va voir Yelena pour dire que c'est Hawkeye qui a tué Natasha. Oui. Ah oui, il y a ça, oui. Donc, en fait, ça fait partie de l'intrigue d'Hawkeye qu'il y a Yelena qui veut casser la gueule de Hawkeye. C'est quand même d'accord. Ça spoil hard. Non, mais ça va. C'est une scène post-générique. Black Widow, elle est morte depuis Endgame. L'intérêt, c'est juste de voir cet esprit famille. Et encore, tu regardes Fast and Furious et tu vois une famille. Ah ouais, meurt dans Endgame. Ah ouais. Bien sûr qu'elle meurt dans Endgame. Ah oh, putain, mon souvenir. Et encore, c'est même pas dans Endgame qu'elle meurt. Bah si. Bah si. Enfin. Eh bah si. Parce qu'en fait, ah il oui, récupère non, la pierre oui. Au moment d'Endgame. Oui, oui, oui, non, mais t'as raison, oui. Donc, ouais, l'on se met plus qu'à caner dans celui-là, donc j'étais en mode, bon... Là, je dis, là, t'es en train de spoiler le film, là. Bon, moi, je l'ai pas vu, je m'en fous, mais je me dis, c'est des gens qui écoutent, tu vois. Bah non, ça va, elle est morte depuis 3 ans. Ah ouais, non, mais j'avais totalement zappé. C'était ça, c'est mon esprit, là, en fait. Donc voilà, ça c'est ouais, ok. Bon ben, j'espère que le MCU sera meilleur, quoi. Hein. Ah ben, j'étais rassuré avec Shang-Chi, je suis moins rassuré pour Venom 2, j'ai pas confiance. Pour les Éternels, j'ai pas confiance, donc j'attends décembre. Alors, honnêtement, il paraît que pour Venom 2, la scène post-générique est extraordinaire et qui devrait raccrocher le Spider-Man verse, enfin peut-être même le MCU à Venom. D'après les rumeurs. Ah bon, oui, d'après les rumeurs. Par contre, je trouve que le film qui fasse 1h30, je trouve que c'est un peu raide et débile. Ben, c'est ça, donc c'est ça qui me fait peur. Il sort quand déjà, Venom? Ben, je crois que c'est octobre. Ouais, quel jour exactement, je ne sais plus, mais c'est octobre, il me semble. Peut-être que j'irai avec toi. J'ai pas vu le 1. Parce que de ce que j'ai vu, je crois que là, chaque mois, on avait un Marvel. Tu vois, septembre, c'est Shang-Chi. Venom, c'est en octobre. Novembre, c'est les Éternels, et décembre, c'est Spider-Man. Ouais, bon, bah écoute, compte sur moi pour les trois. Ouais, de manière pour. D'accord, ok. Venom, j'ai pas vu le 1, j'essaierai peut-être de le trouver si j'arrive à le trouver. Non, sinon, c'est pas grave. Voilà. Et mais bon, dans la vie, il faut pas se forcer. Oui, non, mais je pense pas que je vais me forcer pour Venom 1. Pourtant, j'adore le perso, mais c'est pas grave. Les Éternels, on y va juste pour se faire déchirer l'anus, hein, d'accord, il faut être clair. Oui. Et par contre, Spider-Man, je l'attends. Je... Ça, oui, moi aussi, je l'attends. Moi, Spider-Man, c'est un des films qui va me faire retourner voir à Marvel depuis Endgame. Depuis Endgame. Pour moi. Alors, non, c'est faux. Surtout si on voit Venom et Eternel avant. Mais je n'ai plus vu un Marvel au cinéma depuis Endgame. Voilà. Moi aussi. Donc, je crois que j'ai pas vu un Marvel. Un film depuis Endgame. Je me suis refait aucun autre film. Spider-Man, il est sympa. Franchement, No Way Home, c'est une belle conclusion à Endgame. De voir le deuil que subit Peter vis-à-vis de la mort de Tony, c'est vraiment un chouette moment. Et de toute manière, tu es obligé de voir le 2 avant de voir le 3. Oui, ou le 3. Oui. Donc tu n'as pas le choix, il faut que tu le voyes. Voilà, non, mais je tiens à te le dire, c'est gratuit. Donc, est-ce que tu as d'autres flops, Nico? J'ai deux petits flops ou déceptions déjà à côté de film encore. C'était Jungle Cruise et Conjuring 3. Qui, voilà, Jungle Cruise, je l'envoyais plein dire, tac, le dernier Disney et tout. J'ai regardé et j'avais été assez déçu. Par contre, ça, je m'en doute un peu, mais un énorme flop pour moi, c'était Titan. Que je voyais, donc tout le monde en parlait et tout, parce qu'ils avaient gagné. Je sais même plus ce que le film avait gagné comme récompense et tout. Et alors, je vais décevoir Baptiste parce que du coup, c'est la même réalisatrice que pour Grave, que j'ai trouvé aussi lui très mauvais. Et Titane, c'est tellement n'importe quoi. Ça faisait longtemps que je n'ai pas autant fait chier devant un film à me dire, mais s'il n'y a rien de logique, c'est n'importe quoi, c'est what the fuck. C'était clairement pas pour moi, quoi. Ça a été, je crois, de toute l'année, mon pire moment de cinéma. Moi, je ne l'ai toujours pas vu. Enfin, j'ai bien aimé Grave, même si je sais que le film est spécial, je t'accroche pas, tout ça. Mais pareil, Titan, on m'en a raconté un peu ce qui se passait, ça a l'air tellement what the fuck. Non, mais c'est, je capte aucune logique dans le film, c'est affreux. Ouais, je vois ce genre de film et c'est chiant. Parce qu'encore Grave, j'ai pas aimé, voilà. Mais c'est logique, j'admets que ça peut être bien, ça peut être pas mal. Moi, j'avais trouvé ça pas mal, mais sans plus, donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas trop aimé. Mais alors là, Titan, ça part trop loin, quoi. Ouais, Jeff, il est en train de taper les... Et c'est quoi, ça, c'est... Je connais pas. Ouais, je suis honnête. Est-ce que tu aurais, par exemple, d'autres flops que je pourrais connaître en série ou jeux vidéo? Alors, série, j'en regarde jamais. Jeux vidéo, j'ai toujours au même. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai. Bon, du coup, quels sont tes flops, Baptiste? Moi, c'est pas, c'est un demi-flop, on va dire. C'est plus une déception. Je me suis fait Alexandre le Grand Revisited. De Oliver Stone, la version longue retravaillée. Et en fait, je l'ai regardé. J'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus, quoi. Genre, tout le monde, enfin, on l'a vendu comme un super film sur Alexandre, tout ça, sur sa montée au pouvoir puis sa chute. J'ai trouvé des scènes très belles et super saines au début. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que le film, il devient, enfin, pas vide, mais. Plus rien, genre je sais pas si le film dure trop longtemps ou quoi, et du coup j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas. Je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas si vous avez vu Alexandre le Grand, film de 2007, je crois 2004, un truc comme ça. Voilà. Désolé. Mais voilà, après tu connais rien, Geoffrey, c'est insupportable là. Oh putain, merde, c'est toi qui dis ça. Et toi, t'es flop du coup, hein, parce que voilà. C'est compliqué. Point de vue flop, voitif. Voitif. Et asseyez-vous si vous êtes debout. On fait pas deux heures qu'on fait le podcast debout, Geoffrey. Non, mais je sais pas. Mais voilà. Mais ça va te surprendre. Ça va surprendre. Alors, déjà, le podcast dure depuis 1h31 minutes et 48 secondes maintenant. Voilà, en flop, alors c'est un petit flop ou un demi-flop, mais je tiens à le dire quand même, c'est Star Wars Bad Batch. Moi j'ai pas regardé. Non plus, voilà. Hein, je sais même pas de quoi ça parle, parce que Star Wars, il y a Star Wars Vision qui m'intéresse, mais à part ça. Alors, Star Wars Bad Batch, ça se passe juste après. Star Wars épisode 3 avec l'avènement de l'Empire, et on voit le passage, donc comment les clones deviennent des Stormtroopers, ou qu'est-ce que deviennent les clones, et on suit une unité un peu bizarre, un peu modifiée, qui s'appelle la Bad Batch, et après les succès de Star Wars Rebels, de la dernière saison, donc la saison 7 de Star Wars The Clone Wars, qui était très bien construite avec des mini-arcs. Il y avait au total 3 ou 4 arcs dans une saison, mais au moins on en prenait plein la gueule. Il y a des épisodes qui ne servent à rien et où on se fait chier comme un rat mort. Et en fait, j'avais l'impression qu'on avait fait un bond de 5-6 ans en arrière avec les toutes premières saisons de Star Wars Rebels du côté de chez Lucasfilm. Et j'ai trouvé ça insupportable. Alors, ce qui est chiant, c'est que j'ai trouvé des épisodes chiants qui ne servent à rien. Sur 13 épisodes, je dirais qu'il y en a peut-être la moitié qui ne servent à rien quand même. Mais par contre, dans les épisodes qui servent, c'est sublime. On en prend plein la gueule et c'est magnifique. Il y a les deux premiers épisodes sont très bien. L'arc sur Rylot est à peu près cohérent, même s'il y a eu des retcons comme le premier épisode. Mais bon, on va pas parler de retcons, on en reviendra avec Nebu quand on en parlera vraiment de ça. Mais il y a des épisodes où en fait ils font rien. On va aller chercher à bouffer, quoi. Ça sert à rien. Et je trouve ça insupportable de faire ça, alors que quand on étudie Mandalorian, surtout la saison 2 de Mandalorian, il y a eu un fil rouge extraordinaire. Book of Boba qui sort à la fin du mois, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Enfin, qui sort à la fin de l'année, Book of Boba, donc c'est génial. Et il y a Bad Batch qui au milieu qui sert à rien. Donc voilà, ça c'était chiant. Donc voilà. Alors tu me parlais de Star Wars Vision, ça sort la semaine prochaine, mercredi, et la particularité de Star Wars Vision, c'est 6 ou 7 épisodes qui sont faits par 6 ou 7 ateliers japonais différents, et ça va être des histoires qui vont se passer dans le Legends. Donc en fait ça n'a rien à voir avec la continuité Star Wars, ils pourront faire absolument ce qu'ils veulent et c'est 100% libre. Et je suis comme toi, je suis assez curieux de Star Wars Vision. Justement, je pense qu'on fera un vrai épisode Star Wars avec Nebu une fois qu'on aura vu Vision. Donc si tu veux voir Vision et venir débattre avec nous, tu pourras également, il y a pas de problème. Mais voilà, je me dis à quelle heure vous commencez à parler de Vision et je partirai après, parce que j'ai pas envie de rester 4 heures sur le podcast. On sait comment c'est que Star Wars. Non, je vois pas. Ah ouais, non, mais eux deux, faut les laisser. C'est... J'ai envie de vous dire, parce que vous parlez de Vision, mais vous allez tellement parler de trucs que je connais pas, entre les univers étendus, tout ce qui a été canonisé, ce qui a été retcon, je vais être là, je vais être perdu et je vais m'endormir. Non, mais tu vois, là je viens de parler de Star Wars, en 5 minutes c'était plié, tu vois, c'était bien, c'était cohérent. À début. Et puis ça déjà une heure, on est à 1h40 d'émission. Forcément que tu peux pas relancer la conversation sur Star Wars. Et puis bon, il n'y a pas Nebu non plus. Donc ça, voilà. Ça aide un peu. Alors, l'autre flop, parce que je viens d'y penser quand même, et qui me fait mal, c'est l'absence physique de Comic-Con. Il n'y en a pas eu du tout cet été. Covid oblige, certes, faut le comprendre. Mais d'un autre côté, depuis 2 ans, on n'a plus de Comic-Con et on n'a plus de rendez-vous extraordinaires où on s'en prend plein la gueule, point de vue news, point de vue trailer et compagnie. Et c'est quelque chose qui me manque personnellement, parce que généralement, à la Comic-Con, on en profitait pour balancer toutes les bandes annonces des films Marvel sur une année. On en profitait pour toutes les news de Star Wars sur une année, sur les films Disney, etc., etc. Et là, il n'y a plus rien et ça me fait chier. Est-ce que ce manque de Comic-Con, je pense que ça va être le dernier sujet de ce soir, vous manque ou vous en battez les couilles? Personnellement, je m'en bats les couilles. D'accord, merci. Parce que je les regarde jamais. Et en fait, j'aurais souvent soit des résumés ou alors... qu'est-ce que les gros titres qui ont été dits, mais enfin je les rate pas, donc je me dis les bandes annonces, qu'elles soient à telle période de l'année ou toute l'année, un peu toute l'année, pour moi c'est pareil. Nico? Pareil, je m'en bats, en fait je suis tellement rien côté convention ça que je m'en bats un peu les couilles, ouais. Bon ben voilà, ben... T'es tout seul, Jeff, au revoir. Et après il va raccrocher, il va pleurer, il va dire, t'es des connards avec moi en fait. Ben oui. Écoute, on est là pour débattre, non? C'est notre émission. Bah oui, on est là pour débattre. Moi, bon, y a aucun problème là-dessus. Alors, vu qu'on est là pour débattre, alors je ne regarde jamais l'événement en direct. Hein. Je suis pas un grand malade, mais par contre, tu vois, c'est vrai que j'aimais bien ce moment où tu te lèves le matin, au lieu de mettre BFM TV, tu regardais ton téléphone et que tu avais toutes les news, tu avais toutes les bandes annonces. Et c'était quelque chose que j'appréciais. Et pareil, les studios faisaient l'effort de communiquer à cette date-là pour donner le maximum d'informations. Typiquement, bon, je sais qu'on n'est pas là pour parler que de Star Wars ou de certaines séries, mais lors d'une Comic-Con, généralement, on aurait, alors surtout avec le rachat de la MGM, même si elle n'est pas encore officialisée, mais on aurait pu très bien imaginer un pôle Amazon qui aurait été là pour nous annoncer des séries et peut-être nous donner un peu plus de nouvelles sur cette possibilité d'avoir une nouvelle série Stargate. On avait également ce genre de convention pour nous annoncer tous les films Marvel, DC, des news, des images, des trailers. Pareil pour Star Wars, pareil pour Star Trek et compagnie. Et en fait, c'était la date à être là pour avoir les news. Et ça poussait les studios à faire les efforts nécessaires pour nous tenir au courant. Alors que là, il y a plus rien, quoi. Et maintenant, tout le monde fait ça quand ils veulent. On aurait pu imaginer une bonne annonce de Book of Boba, on aurait pu annoncer une bonne annonce pour Andor et compagnie, mais il n'y a rien. Voilà, il n'y a que dalle et ça me rend triste. Je suis nostalgique du vieux monde. Oh, le boomer. Ouais. Non, mais après, je peux comprendre ton point de vue, parce que toi, tu as souvent suivi des conventions comme ça. Je peux comprendre que ça peut te manquer, quoi. Bon, après, je n'y suis jamais allé au Comic Con. Hein. Ça coûte une blinde. Il te faut acheter les billets la veille pour être sûr et certain d'en avoir un. Il faut corrompre les gens de l'organisation pour avoir un billet. On n'est pas assez connu pour avoir des places presse. Donc, bon, je ne pourrais jamais y aller au Comic Con. Mais si tu veux, c'est vraiment cet effet de news qui était bien, quoi. Et encore une fois, ça challengeait les grosses maisons de production pour avoir des choses et ça quel que soit le style de film, tu vois, typiquement avec une Comic Con on aurait pu avoir une première bande annonce de Mission Impossible 7, on pourrait avoir plein de choses que finalement on n'a plus et que les studios se disent bon ben on n'a plus de convention, on n'est plus limité dans la date, on fait ce qu'on veut. Peut-être que ça reprendra après avec le Covid. Ah bah, oui, de toute manière, Comic-Con, ça existe depuis tellement d'années que ça va reprendre forcément. Oui. Donc voilà, bon, bah, du coup, je me sens seul sur ce flop. Ça me rend triste. Je vais me mettre en position PLS d'ici les prochaines minutes parce que c'est déjà la fin de l'émission. Une belle émission, en tout cas. Ah bah, il faut bien reprendre un moment ou un autre. Donc voilà. Bah, sur ce, en tout cas, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. À la prochaine, tout le monde. Ciao, tout le monde.